Ce soir, 15 janvier, une émission particulière. Elles sont toutes particulières, vivre et créer à la montagne. Mais là, c'est vraiment vivre et créer qui commence par l'hommage à trois disparus. Et au moment où j'enregistre, je suis sur l'émotion de Rudy qui nous a quittés. Et une émission particulière aura eu lieu hier, jeudi, par l'IA qui rediffuse une parole de Rudy. Rudy, immense, immense émotion, immense perte. Voilà, j'en dirai pas plus parce qu'il faudra lui consacrer beaucoup de temps. On va essayer de retrouver aussi notre retransmission, notre enregistrement plutôt, des quaroges qu'on faisait avec lui au début des années 2003, 2004, 2005, quand il était installé. Et depuis l'estaminet, à la radio, on faisait des concerts en direct. Je sais pas comment on faisait, on n'avait pas la même technique et pourtant on y arrivait. Souvent c'était quelqu'un qui était ici au studio, notamment encore Marcus. Marcus encore regretté, je veux dire, voilà. Voilà, alors tout ça c'est immense. J'en dirai pas plus pour l'instant de Rudy, il faut qu'on retrouve des archives. Voilà, salut Rudy, salut l'artiste et infini. Et là, par exemple, sur le blog de l'Union des écrivains vosgiens, qui vient de passer les 17 000, je dirais, grâce à lui, 17 000, le blog a été lancé l'année dernière, lesécrivains.canalblog.com. Donc, je lui ai mis quelques-uns des hommages, y compris celui un peu particulier de Macron. Voilà. Et donc, voilà, le blog, hier, il y a eu 1009 visiteurs. On n'a jamais eu ça autant d'un seul jour pour lui. Voilà. Et puis deux autres disparus. Malheureusement, je me disais jamais 203. Ben, voilà, hélas. D'abord, ça a été Michel Alain. Michel Alain qui nous a quittés. Artiste, prof de yoga, d'une grande spiritualité. Et qui avait fait des émissions aussi à RGM, elle, au tout début, quand on était dans la montagne, au Guémozo, justement. Et Michel faisait des émissions féministes avec Véronique Miclot et Marie-Hélène Arapakis. Véronique, on a revu, hélas, le 9, aux obsèques de Michel. Et Michel Grassler, qui faisait, lui, pendant très longtemps, avec moi, à la technique, des émissions... notamment c'était Balade des Peuples et le magazine historique, il les a arrêtés en 2016, fin 2016. Et on écoutera un extrait, un petit extrait, parce que ce soir on a un programme très chargé, un petit extrait de son émission Balade des Peuples. Voilà. Alors Michel et Rudy. Et... Michel, maintenant, on va écouter son départ, qui a été célébré, si je peux dire, à Ramonchamp par un froid intense, samedi dernier, le 9, dans un grand froid, avec une cinquantaine de personnes, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis 54, je me lis mal, excusez-moi, c'est l'émotion, et... On lui a donné une gerbe de l'association Vivre et Créer, qui donne d'ailleurs son nom, à l'émission, hein, Recréer, Vivre et Créer. Alors, vous entendrez un hommage, d'abord un poème que je lui ai dédié, avec Jean-Claude Dusson au violon, sur les compositions de Béla Bartok. Puis Michel Génini qui chantera la musique de l'artiste, une chanson qu'il avait fait pour les expositions auxquelles Michel, de peinture très très très vive, très spirituelle aussi, Michel y participait à nos expositions au ballon. Et encore le 17, au printemps des poètes à la médiathèque de Remiremont où elle exposait et disait des textes. Là aussi, il faudra retrouver sa voix. Et puis, avec Michael Grieser, on a chanté une réadaptation de la chanson Michel de Gérard Lenormand, qui raconte toute la vie de Michel et son arrivée dans les Vosges en 60, dans les années 74, voilà, dans le post-68. On appelait les Belges, on disait les Belges, quand on parlait de Michel et Claude, son mari. Et après, vous écouterez dans la suite, et ça sera peut-être, et Lia et Marion ont peut-être des petits problèmes de réadaptation technique, parce que là, forcément, c'était beaucoup plus loin, et Victor de Souza, un ami, lit un poème de Jutta Lenz, La femme étoile de l'univers. C'était un poème que Michel avait en quelque sorte choisi, parce que c'est dans un livre qu'elle avait marqué. Et donc, Victor la lira, j'espère qu'on entendra bien. De même, les petites filles, Nell, sa fille, de Michel, qui est vétérinaire au Valtin d'ailleurs, a deux filles, Lao et Yumi, qui vont lire Dis quand reviendras-tu de Barbara. Après, et là, ça sera peut-être un peu délicat techniquement, je m'en excuse. Il y aura une musique de relaxation pendant le temps où les gens rendent hommage, une musique de relaxation issue des cours que Michel donnait, cours de yoga et cours aussi de Qigong, un certain Qigong qu'elle adaptait, auquel je participais aussi, et comme beaucoup d'amis. Et enfin, une petite chanson japonaise par les deux petites filles. On n'entendra peut-être pas trop, mais je pense que le son sera haussé par nos amis IE de la radio, IES, Lia et Marion. Donc, merci à elles. Et ce sera Oiseau, Insecte, Bête sauvage, issue d'une chanson japonaise par Lao et Yumi. Voilà, ainsi, dans le froid et l'intensité, c'est terminé cet hommage que vous allez entendre pour Michel Alain. Michel, dans la lumière des espaces creusés dans l'infini et remplis de ton visage, ton regard, tes mains dessinent le silence si plein. Une voix, ta beauté sur les cimes de l'être. Neige et soleil, ta voix lumière est un appel qui se relie aux harmoniques des étoiles. Tu prononces le vent qui active les arbres. En eux, tu nous émeus par ton chant incessé, incessant du mystère dont tu ouvres les portes. Une tache de bleu de ta peinture d'âme, tu élargis l'essence à cette ligne bleue dont ton pinceau léger écarquille et émerveille. Juste de l'autre côté de cette ligne, toi, Michel, parle-nous des espaces que tes yeux peuvent voir, que ton souffle pénètre en rives infinies. C'est la musique de l'artiste qui est un peu illusionniste. Quand sous sa toile naît la couleur, on a l'impression d'être ailleurs. Au pays des impressionnistes, plus rien ne compte, plus rien n'existe. que le jaune rouge et le bleu vert, c'est la chimie de la lumière. Je l'ai vu ce matin descendre la cohue vers la mer lointain, elle allait les pieds nus. Elle a posé sa toile devant l'immensité, regardait vers le large, s'est mise à chanter. C'est la musique de l'artiste qui est un peu illusionniste, parce que sa toile n'est la couleur. On a l'impression d'être ailleurs, au pays des impressionnistes. Plus rien ne compte, plus rien n'existe. Que le jaune rouge et les bleus verts, c'est la chimie de la lumière. Quand elle a commencé à poser la peinture, par touches bariolées de vert et bleu d'azur, son pinceau lui voltait dans l'espace et le temps, un orange discret à ses rêves d'enfant. C'est la musique de l'artiste qui est un peu illusionniste, parce que sa toile n'est la couleur. On a l'impression d'être ailleurs, au pays des impressionnistes. Plus rien ne compte, plus rien n'existe, que le jaune rouge et le bleu vert, c'est la chimie de la lumière. La lumière. Si bien débarqué, les années 68 rêvées, surhabitées, tout près de la forêt. Les belles dents vous appelaient, et ici, un peu cinglé, pour créer tout et santé. Michel, c'était beau tout ça. Nous on croisait les mains pour faire un destin, un monde nouveau, un rêve à nouveau. Vous veniez avec vos troupeaux, traversant la frontière, activé aux géants, ravivé. Michel, tu nouas des liens avec des amis aux géants, des rêveurs de boue, des chercheurs de trous. Les années ont passé doucement, et puis vous avez eu des enfants. Nouveau voyage, les nuages, des rêveurs comme vous ainsi, des inventeurs de l'utopie, incarnés, tout, activés. Michel, tu es éternel, c'est par Jojo et ses charnels, qui répercutaient, ton émerveillé. Bien sûr, du fil yoga, longuement union ici-bas, avec le ciel, ton seul soleil, nos pensées lancées dans le vent, de la colline à l'est, l'eau, en mandala, tout doudou, vif éclat. Michel, ta voix soulevée dans nos cœurs, dans nos traits, céleste la traite, le céleste secret. C'était donc la voix des Bouddhas qui, heureux là, ne boudait pas à la colline cristalline. Une marche vers les rivages, des prés infinis, des alpages, des horizons, tout sans âge. Michel, tu dessines le ciel d'un geste pareil au bonheur, comme un simple cœur, un monde meilleur, un monde meilleur. Tu peignais pourtant l'absolu, les immenses sangs, les immenses champs d'entrevue, un horizon sans prison. Et tu libérais les ondes, les douleurs en céleste roue qui s'élançaient, tout, riait. Michel, ton âme rejoint tout au bout des grands chemins que tu dépeignais, grande clarté, grande liberté. Et puis tu es dans le vent qui a sorti tout mon temps, notre oreille à tes appels. Tu vas bondir en nos cœurs et tu nous effaces la mort et la peur, tout le malheur. Michel, les verts soleils, tu souris toujours pareil aux anges heureux de ton arc-en-ciel, de ton âme en ciel. Mes origines sont divines. J'ai la conscience de l'univers. Les étoiles sont mes amies intimes. Elles m'ont offert leur éclat, leur beauté et leur lumière. Ainsi, je rayonne car tel est mon destin. Riche d'un sublime, inégalable, précieux parfum, suave, fleuri, même envoûtant, je fais vibrer intensément. Ma beauté est pure, sans vanité. Je me donne sans crainte, toujours entier. Car je suis la déesse de l'amour et de la féminité. L'amour du corps dans sa sensualité. L'amour du cœur dans sa noblesse et sa générosité. Ainsi, je vous offre ma simple présence. Sans discours ni conseil, mais tout en silence. Car le langage véritable passe toujours par le cœur. Afin que la joie y règne, car tel est mon souhait le plus cher sur cette terre. On voit des bêtes sauvages, feuillage, herbe, fleurs, que vienne le printemps, l'été, l'automne avant l'hiver, que vienne le printemps, l'été, l'automne avant l'hiver, tourne sans fin, moulin à autour, demain comme aujourd'hui et hier. Et que le soleil éclaire la terre, tout, et que le soleil éclaire la terre. Oiseaux, insectes et bêtes sauvages, tout y a fait de faire. Nourrisse la crème, on se désarme et le courage, si j'apprends que tu m'attends. Voilà, pour Michel Grassler, eh bien la cérémonie a eu lieu le 11 janvier dans le cimetière du Ménil, où il est donc désormais dans la tombe familiale. Il y avait quand même une quinzaine de personnes, je dis quand même parce qu'il était solitaire, Michel, mais il y avait des gens qui l'aimaient bien, notamment Jean de la Colline qui a fait un bouquin là récemment, et que Michel avait conseillé, l'ami Biston pour le côté engagé, Biston qui faisait aussi des émissions à la RGM, Christian Biston de l'émission, Christian Biston de la CGT. Voilà, parce que Michel était engagé, et d'ailleurs, là aussi, une gerbe, cette fois-ci, à tonalité plus rouge, comme j'explique. Alors, vous allez entendre la première partie du discours que je lui ai fait. Pour raison de pile, c'est comme ça, je vous donnerai la deuxième partie, la fin de ce discours, que j'irai enregistrer ensuite, après cette première séquence de 4 minutes. Voilà. Mesdames, messieurs, à la demande de la famille, je vais vous lire un texte. Michel. J'aurais voulu être avec André et notre famille, venir te dire adieu, près de cette tombe qui a accueilli déjà beaucoup de ceux qu'on a aimés. Je pense en particulier à ta grand-mère, pour qui tu t'es très bien dévoué, et à Thérèse, ta maman qui nous a quittés lorsque tu avais seulement 10 ans. Ta vie a été chalonnée de nombreux moments douloureux. Cela explique peut-être que tu aies eu de la peine à vivre malgré ta gentillesse et ton intelligence. La maladie, la crise sanitaire et le temps hivernal incertain nous ont empêchés d'être auprès de toi aujourd'hui. Et nous le regrettons. En ton nom, je remercie ceux qui se sont déplacés aujourd'hui et leur demande de s'associer à notre peine. Ta tante Antoinette, dite Nénette, et sa famille. Michel, bonhomme de chemin, pas à pas du destin, chemin de la culture et chemin de l'histoire. La vie, la mort, cette aventure, il l'a menée discrète, en petite maison modeste, poésie quotidienne, au Ménil, grande rue, puis au Thiot, rue des Tanneries. Il eut certes quelques titres. Président de l'atelier généalogique du Thiot, tenant longtemps des permanences au service des chercheurs, de leurs origines, créateur de plusieurs colloques au Thiot, au Ménil. Vice-président au moment de l'Union des écrivains vosgiens, puis, pour compenser sa modestie, ému de convictions engagées, candidat à une élection cantonale pour le Parti communiste. Alors là, si tu m'excuses, Michel, j'avais demandé une majorité de fleurs rouges. Bon, il y a des blanches, excuse-moi pour les blanches, mais c'est beau aussi, la pureté. Il y a des rouges, en tout cas pour toi. Rêveur, au moment de la gauche unie, de la percée des Vosges, il rêva de la relance du tunnel ferroviaire de Buisson. Il écrivit à Fitzerman, le ministre, alors des transports en ce sens. Longtemps assidu des chroniques radio avec Balades des peuples et le magazine historique sur Radio Guémozo à Saint-Étienne-de-Remiremont, sa passion. Avec moi, à la technique, voilà, c'était là. Longue chronique détaillée qu'il égrenait de sa voix placide, entrecoupée de musique folk, celtique notamment, qu'il aimait surtout. On lui doit des études fournies sur des figures comme René Fonck, l'as des as de la Première Guerre mondiale, l'as vosgien de Solcy, sur Meurthe, ou sur la généalogie juive du Thiot, paru dans Dialogue transvosgien en 1999, faisant référence dans Wikipédia. Il est cité donc dans Wikipédia sur le Thiot, Michel Grassler, voilà, son étude. Il était quêteur infatigable de perles historiques méconnues, tel royaume fantaisiste dans le Pacifique, telle minorité ethnique oubliée, fournissant parfois des articles à La Liberté de l'Est, puis Vosges Matin. C'était aussi un esprit curieux, épris d'écriture, participant à maints ateliers et auteur d'un manuscrit philosophique non édité, panacé pour le genre humain. Suite de la séquence des obsèques de Michel, comme je vous l'ai dit, petit problème de pile insuffisante, et je vous donne la suite du discours que je lui ai fait ici. Et je disais ceci, c'était aussi un esprit curieux, épris d'écriture, participant à maints ateliers et auteur d'un manuscrit philosophique non édité, panacé pour le genre humain. Et puis associatif à tout craint, aider les copains, il disait, assidu du forum des associations. Un moment, trésorier de notre association, Recré, Vivre Créé à la Montagne, membre de Dialogue Transvosgien et Rencontre Transvosgienne, devenue Rencontre Transvosgienne, entre autres associations historiques, associations qui faisaient le pont entre Alsace, Franche-Comté et Vosges-Lorraine. C'était des liens qui lui étaient chers. Opiniâtre, il était tranquille, travailleur. Là où il est, même s'il n'y croyait pas, qu'il soit scribe patient, au nom des humbles, des effacés, pour qu'il soit moins effacé. et qu'aujourd'hui, comme lui, qu'avec lui, il soit plus reconnu, ces effacés. Qu'aujourd'hui, par lui, ces érudits discrets, trop méconnus, comme lui toute sa vie, reçoivent hommage enfin. Alors donc, cet hommage a été lu par moi-même pour l'association Recré dont il était membre, et avec des fleurs rouges, mais un peu blanches aussi, quand même, rouge et blanche. J'aurais voulu plus rouge, mais je m'en suis excusé précédemment. Mais bon, voilà, symbole de ses convictions. Et sa silhouette regrettée et a été soulignée par l'Auvergnat de Brassens, qui va bien à sa modestie. Chanté par Michel Génini, son ami. C'est lui qui m'a appris le départ. Il était à l'école avec lui. Ouais, il y aura des anecdotes à raconter. D'ailleurs, vous allez entendre. Et soutenu par Jean-Claude Luçon au violon. Alors simplement, pour les raisons de pile malheureuses dont je vous ai parlé, eh bien, vous n'entendrez pas Jean-Claude, qui est encore là, deux fois, en deux jours, on était là, au grand froid et dans le ciel bleu, pour les départs de ses amis. Et voilà. Et puis après, juste après, dans la foulée, après avoir écouté l'Auvergnat par Michel, puis un petit témoignage de Michel Génini sur Michel Grasler, eh bien, on enchaînera tout de suite par un extrait de 6 minutes de l'émission Balade des Peuples, avec l'indicatif Diaoulé d'Arménez. C'était des musiques celtiques qu'il aimait bien. Diaoulé d'Arménez, les diables de la montagne. Voilà, ça lui va bien. Et vous verrez, il faisait ses rubriques. C'était le 29 avril 2016. Alors, une autre fois, je passerai plus long. Bon, c'est de son ton placide, comme je disais. Comme ça, il parlait comme ça. Il était... Bon, voilà. C'était très intéressant ce qu'il écoutait. Des fois, il était un peu lent, on trouvait. Moi-même, j'étais à la technique. Et, bon, sur 3 heures d'émission, des fois, bon, c'était pas facile. Mais après, on écoutait ce qu'il disait. C'était des perles. Et puis les musiques étaient remarquables aussi, les musiques celtiques. Voilà. Donc là, Michel et l'Auvergnat. Michel Génini, qui fut son ami, chante maintenant, pour lui, ça lui allait bien, l'Auvergnat de Brassens. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois. Quand dans ma vie il faisait froid, toi qui m'as donné du feu quand, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un peu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi, l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, ô Père éternel. Toi, cette chanson, toi, l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. toi l'hôtesse quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduira vers le ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, ô Père éternel. Merci, à Michel. Et tiens, tant qu'on y est, Michel, puisque on a fait ce réenregistrement après la cérémonie, toi, tes souvenirs de Michel Grassler. Ben Michel, c'était quelqu'un que j'ai connu au lycée, au collège du Tio, en quatrième, en troisième, on était dans la même classe. Ouais. Et donc, j'ai partagé des bons moments avec lui. C'était un bon copain, un ami. J'appréciais beaucoup sa gentillesse, sa modestie. Et donc après, on s'est perdu un petit peu de vue. Je chargeais des fois en stop. Ah oui, quand t'avais... Oui, ouais, un peu plus tard. Ouais. Et puis, voilà, je sais qu'il aimait bien la musique celtique. Ah, beaucoup, il aimait bien Alan Stivell. Ouais, ouais. Oui, et puis il faisait de la généalogie, ah, c'est ça, ça. Oui, oui, c'est ça, oui, bien sûr. Voilà. Donc, attristé par la mort de Michel. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on était quelques-uns là avec lui. Il y avait son cousin, son frère, et puis d'autres personnes qui lui étaient attachées, quand il y a une quinzaine de personnes. Et puis tout à l'heure, tu m'as... Une anecdote qui s'est passée en quatrième ou en troisième avec M. Collard, qui était prof de technologie à l'époque. Collard. Et puis, donc, on avait fait une expérience scientifique. Et puis donc il demandait les conclusions, les remarques qu'on avait à faire sur cette expérience. Donc tout le monde avait compris, tout le monde était d'accord sur le même point pour apprécier l'expérience scientifique qui avait été née par Monsieur Collard. Tout le monde était d'accord, tout le monde a dit oui, sauf Michel qui a dit non. Alors Monsieur Collard était assez surpris. Alors, M. Collard lui a demandé pourquoi il répondait non. Et Michel lui a répondu par esprit de contradiction. Il a fini. Oui, il était puni, il était collé. Oui, Collard n'avait pas du tout apprécié. C'est marrant parce que il avait un côté rebelle, mais rebelle tranquille. Hein. Mais dis-moi, parce que toi tu l'as connu plus jeune, moi je l'ai connu après, il parlait toujours comme ça. Oui, oui, il parlait un petit doigt. Il parlait un peu comme ça, tranquillement. Tranquillement, oui. Moi, j'étais tellement tranquille que moi, il faisait des rubriques à la radio. J'aimais bien parce qu'il travaillait beaucoup. Hein. Il faisait des magazines historiques. Il faisait des émissions de 3 heures. Et ça m'est arrivé une fois de m'endormir parce que derrière la technique, parce que c'était très intéressant ce qu'il faisait. C'était pas trop. Mais des fois, il fallait écouter. Ouais. D'ailleurs, on va en repasser de ces chroniques que je vais essayer de retrouver. Voilà, bah écoute, tu veux dire encore. Merci. Donc, à Vincent aussi pour toutes les démarches qu'il a faites aussi pour l'événement qu'on a vécu tristement donc ce matin. Il nous a manqué l'enregistrement puisque c'est un enregistrement refait. J'ai un problème de pile. Il m'a manqué le violon, Jean-Claude Duchamp. Vous avez bien eu du mérite dans le froid de moins 7, moins 8, une sorte comme ça, facile, malgré le soleil. Hein. Mm. Vous avez bien eu du mérite d'arriver à faire les accords. Ouais, ça a été quand même. Oui, c'était bien. C'était bien. Eh bien, c'était bien pour lui, et le voilà, maintenant, dans sa tombe familiale, hein, parce qu'il y a, donc, il y a un caveau familial à Ménil. Voilà, s'il y en a qui veulent le voir, s'il est là, le célébrer. Salut Michel, merci Michel. Au revoir Michel, merci Michel. Et voici maintenant la dernière séquence, qui est la séquence principale qui était prévue, en dehors de ces décès, qui évidemment nous rappelle des figures chères. Et là, on avait fait le feu gras, ça va être donc l'émission centrale de la soirée. Le feu gras, qu'est-ce que c'était? D'abord, ça devait être un feu réel dans la nature, dans la neige, à Rochelotte, à Bussan, où on aurait marqué le réveil des artistes. C'est une initiative de Serge Pasquale, qu'il expliquera d'ailleurs. Et on devait faire ça le 19, et on n'a pas été autorisé par la préfecture, ma foi. On voit que les interdictions de la préfecture avec Rudy, c'est pas du coton. Pour nous, on s'est rattrapé et on a fait ça en visio. Avec deux foyers différents. L'un à Agécourt, avec Marie-Pascale Godet, et un vrai foyer, puisqu'elle avait fait du feu, qu'on voyait, bon, par visio, on ne faisait que le voir, bien sûr, mais il nous réchauffait le cœur, hein, comme l'Auvergnat. Et puis, un autre atelier avec Sylvie, en présentiel, comment dire, avec Sylvie. Sylvie, ou Brigitte, on l'appelle Brigitte aussi dans les soirées qu'elle fait, à Cleury. Alors, là, on était plusieurs, on était six, on n'avait pas dépassé le nombre voulu, hein, bon. Et on était plusieurs en direct. Alors, la partie directe, ça va créer d'ailleurs des petits problèmes, là aussi de montage à nos amis Lia et Marion, parce qu'il y a des disparités de son entre les gens en visio et les gens en présentiel. L'avantage étant aux gens en présentiel, heureusement, c'est les chanteurs, mais malgré tout, voilà, il y aura du travail, il y a du travail de reboostage des sons, voilà. Alors, Marie-Pascale Godet, on savait plusieurs fois qu'on fait des manifestations chez elle. On appelle ça les Sélénites. Alors, on a pu en faire en présentiel, et que j'ai enregistré, et que j'ai passé ici, d'ailleurs. Les Sélénites, c'est à l'honneur de la pleine lune, tous les mois. La prochaine, c'est, je crois, le 29 ou 30 janvier, vous regarderez. Ben, on l'enregistrera aussi, ça sera peut-être encore en visio, parce que on est en ce moment, on n'a guère que ça. Elle nous avait fait un atelier d'ailleurs d'écriture, que j'ai diffusé ici, le 13 janvier pour la Sainte-Lucie, et de là d'ailleurs plusieurs poèmes en sont nés, qui ont été lus le 19. Le 19 c'était plus ou moins le solstice d'hiver, enfin un peu avant. On l'a mis un samedi, voilà, pour des raisons de samedi. Les Sélénites, donc, sont aussi des manifestations qu'on retransmet ici. Et c'est des Sélénites, vous pouvez les retrouver dans les Côtes des Vosges. C'est des rencontres entre des gens de la culture, de la littérature, de la peinture, etc. Voilà. Donc, vous allez écouter plusieurs intervenants. Marie-Pascale était donc seule chez elle ce coup-ci, mais c'est elle qui assurait le zoom, si je peux dire, le lien zoom, avec son feu, surtout qu'on voyait bien, et elle se chauffait les fesses pour qu'on le voit bien d'ailleurs. Elle avait du mal avec ce beau feu à rester en place. Bon, et puis vous écouterez donc des chansons de Michel Génini encore, soutenues par l'ami Jean-Claude Luçon au violon, toujours. Et Sylvie, bien sûr, Sylvie Leguet, ou, comme on dit aussi, Brigitte. Et vous verrez en visio, donc avec des sons un peu rattrapés, je l'espère, Serge Pasquale, qui a initié cette démarche, il habite Saint-Maurice, lui, et il a initié cette démarche de réveil de la culture. On espère la refaire. D'ailleurs, en vrai, les tas de bois sont toujours là, peut-être pour la Saint-Valentin, ma foi. pour les bures, le feu des bures, Saint-Valentin, le donnage, etc. Il y avait deux remis en mont, Félicie et Segondino, bien connus aussi à la radio, Françoise Svenus de la Forêt Noire, depuis la Forêt Noire, avec notamment un poème qu'on entend sur la cabane de Travexin, et Catherine Spitz aussi qui intervient depuis les Voivres. Et au bout d'1h40, je vous dis, sont arrivés chez Sylvie, Fred de Sculpteur, Fred Durand, fils de François d'ailleurs, de la radio, et Fred Durand, sculpteur de Ferdru, et Aïssa Teba, chanteuse Mauritano-Tiotine, voilà, et qui clôturera ce feucra par la chanson Mieux vaut rire que pleurer. Ah oui, le feucra, j'ai oublié de vous dire, vous l'entendrez au début. Bon, il y a 7 minutes, j'ai hésité à les laisser, je vous les laisse. C'est un moment, le feucra dans la tradition des Vosges, c'était un moment où on disait dans le feu, dans la fumée, tout ce qui n'allait pas. On rejetait, on virait tout le mal qui était là, et vous verrez les gens qui gueulent, qui lancent comme des brindilles, des bouts de phrases. On avait fait ça aussi au Ballon d'Alsace, où on lançait des choses qu'on voulait pas dans le feu. Or, le feucra, voilà. Au début, ça fait 7 minutes. Bon, je pense que c'est pas trop long, ça s'écoute, à mon avis. En tout cas, je vous laisse cette écoute, et je vous dis, bonne année d'ailleurs, bien sûr, avec tout ça, on oublie la bonne année. Oui, parce que c'est la première émission de l'année. Meilleur vœu 21, en espérant que ces deuils, là, bon, comme on disait en Provence, à l'an qui vient, c'est si on pas mal, demain c'est gain pas mal, à l'an qui vient, si on n'est pas plus, du moins qu'on soit pas moins, ben là, on est quand même moins, il y en a 3 qui nous manquent, mais restez les autres et soyons dans le feu actif de nos vies. Balade des peuples avec Michel. Voilà, Diaolé d'Arménès pour cette balade des peuples. Michel, à toi, que toi donc tu vas nous parler ce soir. Donc, comme chaque soir, nous allons parler de sujets divers et variés dans cette balade des peuples. Et puis ensuite, pour poursuivre dans le magazine historique qui nous emmènera jusqu'à minuit. Carrément. Ouais. Nous de vous, quoi. Alors, commençons un petit peu donc par une petite annonce associative qui est assez proche de nous, puisque ce sont nos amis de l'association Oxygène qui, demain, samedi 30, tiendra son assemblée générale annuel à Remiremont, bien sûr, à partir de 17h. Donc pour les intéressés, il faudra se rendre dans la salle des grands jardins, passage Bergerot, donc c'est à proximité du parc Zeller, donc de Remiremont. Et donc tous les intéressés y seront bienvenus, afin de partager ce temps fort de la vie d'Oxygène, avec ses travaux habituels. Et puis, cette assemblée sera clôturée, comme il se doit, par un pot de l'amitié offert à l'issue de la rencontre. Voilà, donc demain, samedi 30 avril, à partir de 17h, dans la salle des Grands Jardins. Allez-y nombreux. Voilà donc pour la petite annonce en lien avec les peuples. Oxygène travaille beaucoup, je le rappelle, en direction de l'Afrique, du Burkina Faso en particulier. Et donc nous continuons dans d'autres parties du monde, en particulier là je vous emmène en Amérique du Sud, puisque en particulier il y a au Brésil la gauche et le mouvement populaire qui se mobilisent ensemble contre les tentatives de coup d'état de la droite et de la réaction en général dans ce grand pays, où Dilma Rousseff fait face à un véritable procès politique, une vraie tentative de coup d'État, puisqu'il y a une démarche en cours de destitution qui est en cours en ce moment. Et bon, la deuxième manche n'est encore pas faite, puisque ça doit passer au Sénat brésilien. Prochainement. Mais donc, elle avait eu un premier vote à l'Assemblée le 17 avril dernier. Et bon, ça a mal tourné déjà, mal démarré pour cette présidente brésilienne. Donc, ça, encore une affaire à suivre. Et bon. Qu'est-ce qu'on peut en dire, c'est que il y a quand même pas mal aussi de corruption chez les députés et les sénateurs, sans que on s'attarde trop sur le sujet, mais bon, il y a des comptes millionnaires en Suisse chez pas mal d'hommes politiques de ce pays. Et donc il y a diverses enquêtes pour fausses factures et corruption en général. Le prétexte utilisé donc contre la présidente en titre par la droite pour la soumettre à un procès injuste, c'est d'avoir émis, soi-disant, des décrets pour l'utilisation de fonds bancaires nécessaires pour assurer la continuité des programmes sociaux entre deux budgets. Et donc, les fonds ont été remboursés, il n'y a eu ni malversation, ni déviation de fonds, et encore moins de violation de la Constitution. Donc c'est toute une bataille qui a lieu après le recul de la gauche aux dernières élections législatives brésiliennes qui ont eu lieu en même temps que la présidentielle en 2014. Donc c'est une affaire à suivre. C'est assez sérieux. Le réseau, on monte le réseau à tes côtés. Un peuple vivre, dinatier à Lyon, fermé. Je me brûle vivre, le parcours de nouvel an. Maladie, après les mers, les météorites. J'ai voulu passer un nouvel an. J'ai passé le passage à l'an 2000 dans un hôpital. Tu es la mort. J'ai raté mon nouvel an. Politique à la noix. Conneries. Oppression. Conneries. Dans le feu. Trump. Dans le feu. Trump. Saloperie, maladie, dépression, haine, Le Pen. Arachnie, dissonance, cafard. Disharmonie, politude, dispute, médiocrité, médiocrité intellectuelle, misère intellectuelle, égoïsme, froid, non, plus froid, plus froid, c'est de la neige, plus réchauffement du climat, de la neige, le feu gras, canicule est intense. Ah, le feu. Mauvaise inspiration. Tarissement de la tête. Exactement. Des amours. Covid-19. Vérole. Testatique. Ebola. Syphilis. Télévision abusée. Sida. Cancer. Dommage. Sur notre porte des critiques. Ennui. Fascisme. Peu de visites hein, quand on joue. Peu de public. Saloperie. Salle vide. Corrompu, méchanceté, voleur, accapareur, les méchants, secret, les méchants, surfeur sans roulette, haine, incitation à la haine, racisme, femme battue, le secret. Sexisme, machisme, maltraitance, violence physique, confinement, viol, viol, fixation des libertés, abus de pouvoir. Ah, le feu crap! Corruption! Les gaffes! Corruption! Non-harmonie! Non-harmonie! Les gens qui sont sourds! Assassinat! Les gens qui sont sourds! Ceux qui font exprès d'être sourds! Oui. C'est déjà intelligent, ça. On a tout jeté, là. On a encore un peu à jeter, mais on a jeté au feu, là. Eh, si on a encore un petit peu, si on remet du bois. Oui. Pollution, pollution. Mais après, on va aussi devant ton feu, qui est cras. Alors, cras, on jettera aussi tous les vœux qui seront toute la suite qu'on va développer en poème, en chanson, en texte. On fera exactement la même. Il devrait mettre un peu plus de tirage pour qu'il crame bien toutes les saloperies qu'on a dit. Voilà. Qu'est-ce qui reste chez toi, tu vois. Comment tu dis, Serge? Tu devrais mettre un peu de tirage pour que ça crame bien toutes les saloperies qu'on a dit puis que ça reste pas chez toi, tu vois. Oh, puis, oui, t'as raison, t'es. Ah, bah oui, on m'en rage. Pas souvent, chômage, maladie. Ceux qui disent comment faire tout ça, ceux qui disent comment penser. Voilà. Ceux qui disent comment penser, les maîtres à penser. Donc là, on est rondeux, tu veux parler des patrons, tout simplement, non, c'est ça que voilà. Tu veux dire. Personne ne peut diriger ta pensée. Allez, on recommence. Ah bon, tu continues alors. Bon. Je refais une dernière. Une salve, dernière. Allez, une salve de feu. Allez, on y va, très fort et on tout son cœur. Microbe. Le feu gras. Tous les enfoirés qui pident les subventions aux amateurs. Au feu. Vol. Tous ceux qui tiennent la couverture à soi en laissant les autres en exploitation. Ceux qui ont exténué Mimicracra. Mimicracra, me ça. C'est tous ceux qui sont pas comme moi. Non, pardon. Oh, je m'en fais exprès. Les navets à la télé. Manipulation. Shakira, Rihanna. Constipation. Elles sont pas méchantes, elles ont la fête mal. Bien. Voilà, il y a celle-là encore. Les méchants. Méchanceté. Les méchants cons. Voilà. Attention, méchanceté. Et tous ceux qui font exprès de pas penser comme moi, au feu. Manipulation. Ouais. Ah, super. Violence dans la rue. Ah, super. Violence banalisée. Non, mais finis, banalisation de la violence, banalisation de la corruption, banalisation. Dis-lui qu'il y a Christophe qui remet une petite couche de Mission Impossible, super important ça. Banalisation de la corruption. Bravo! Yeah. Bravo, merci! Voilà! Ça me fait du bien, moi! Alors, nous fait ça. Si on se présentait un petit peu vite fait les uns les autres, si vous voulez. Hein? Ouais, mais là, tu me vexes, là, parce que tout le monde me connaît, si tu veux, je me présente. Mais attends, là, non, toi, tu auras la parole. À la fin du tour de table, si je peux dire, du tour de tout. Et tu présentes, tu expliqueras un petit peu. Et donc, on va se présenter les uns les autres qui sont ou en visio ou en vrai. Donc, ma foi, je vais commencer par qui j'ai là Françoise, tiens, Françoise, tiens. Oui, ben, je suis contente d'être avec vous et de pouvoir parler de la forêt noire. Ah, voilà. Comment ? Oui, c'est bien. Il y a du Stolen chez vous, Marie-Françoise ? Comment ? Françoise, pardon. Il y a du Stolen chez vous ? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a du soleil. Stolen, le gâteau allemand ? Oui, mais là j'en ai pas sous la main. Catherine. C'est bon, j'aime bien ce Stolen. Catherine. Ben moi je suis juste de l'association Ralentir pour vivre. Catherine. Et... toi Catherine, toi. Ah moi Catherine. Oh ben moi Catherine, Catherine. En fait non, moi c'est l'association Ralentir pour vivre. Et que je représente. Et moi, Catherine, ben non, rien de spécial. J'écris des chroniques, mais sous le nom de Maddy Besson, voilà. Et puis, ben voilà, c'est tout. Dans quel journal vous écrivez des chroniques ? Comment ? Dans quel journal tu écris des chroniques ? Ben, sur notre site ralentirpourvivre.org. Voilà. Ah, ok. Mais c'est drôle, si je peux placer un mot, Catherine, moi j'ai fait du journalisme. Oui, bah attends, on fait le tour là, oui. Moi c'est vraiment, ouais. Je m'exprime sur ce qui se passe dans la société actuellement et ce que j'en pense, voilà. Moi je faisais plutôt du journalisme culturel, tu vois. Oui. Non, moi tout simplement montre la position de l'association Ralentir pour vivre, parce que voilà. Ralentissons. D'accord, voilà. Ok. J'irai voir. Alors, géographiquement ? Ah, moi, géographiquement, je suis allée voir. D'accord. Près d'Épinal. Voir. Passons à bien sûr, Marie-Pascal. Marie-Pascal, qui nous reçoit aussi. C'est elle qui nous reçoit sur ce qui a enclenché la réunion, voilà. Tant bien que mal. Ouais, très bien, c'est bien, on y est. Sauf Christophe Colin. Voilà, donc tout le monde te connaît ou peut-être pas ? Oh, ça m'étonnerait, je ne suis pas une vedette. Hein. Si, Donc, mais peut-être une vedette qui s'ignore, moi je pense. Ouais, c'est ça. Donc, Marie-Pascal, j'habite dans la plaine des Vosges, dans un tout petit village perdu de 120 âmes. Je suis revenue vivre ici après 10 ans passés à l'île de la Réunion. J'ai aussi vécu dans un atelier de percussion, ça ne vous étonnera pas. et donc je suis revenue vivre dans mon lieu d'origine, dans mon village de naissance, depuis une dizaine d'années. Et là, entre deux confinements, j'ai mis en place les sélénites, donc chaque pleine lune. Des sélénites se retrouvent et partagent la musique, la joie, la poésie, ce qui est extraordinaire, ce que jusqu'à présent, ça a toujours eu lieu et que il n'y a jamais de médisance, il n'y a jamais de paroles tristes, il n'y a jamais. Enfin, c'est vraiment un temps de joie, quoi. J'espère que ça va durer. C'est tout. Bien. Parfait. Et puis j'adore la poésie, évidemment. Alors, je vois sur mon écran Félicie et puis Segundino. Oui. Oui. Vas-y, Segundino, présente-toi. Moi, je suis en. Ben, je connais le groupe, une partie du groupe, Vincent par exemple, et puis Félicie, depuis que je fais du théâtre à Recret. Donc, je suis nouveau. Ça fait un an que je les connais. Ça fait un an que j'ai côtoyé dans le théâtre et autres activités, ainsi que l'atelier d'écriture. Voilà. Félicie. Oui, alors moi, je suis donc Félicie, j'habite Remiremont. Enfin, je navigue un peu entre Tillon et Remiremont parce que je vois ma maman. Et bon, ben voilà, j'ai commencé à faire de la radio en 2008, où j'ai rencontré Vincent, qui m'a ensuite proposé de faire du théâtre et des ateliers d'écriture et aussi de la chorale. Et voilà, ben, j'ai plaisir à le suivre, même des fois s'il est un peu difficile à suivre, qu'il faut être là. Mais voilà, je suis contente d'être avec vous tous et il y en a la plupart que je connais. Françoise, on s'est déjà rencontrés. Marie-Pascal, bien sûr Serge, ou du théâtre, voilà. Voilà. Très bien. Avant de passer à Serge qui va conclure cette séquence, on va passer au présentiel. Déjà Sylvie qui nous accueille dans un petit présentiel. Bonjour Sylvie. Voilà, et qui va se présenter. Bonjour. Voilà. Tu as laissé pousser tes cheveux ? Attends, je te mets. Oui, c'est la coupe Covid, tu sais. voilà, en fait, moi je suis Sylvie, voilà, qui devient Brigitte quand elle est sur scène. Et puis, voilà, j'ai invité tout le monde à venir partager ce moment-là, voilà, ce moment de musique, de poésie et de rencontre humaine. Voilà. Oui, je précise que Sylvie, quand on a annulé le présentiel à la forêt de Rochelotte, eh bien, elle a proposé tout de suite qu'on se retrouve ici. Et donc, on fait une espèce de duplex à Gécourt, Cleury, dans la montagne. Michel Giannini, présente-toi. Bon, je m'appelle Michel Giannini. Je suis content d'être chez Sylvie après-midi avec Vincent, Jean-Claude et Christophe. Je suis musicien, je joue de la guitare avec Jean-Claude qui est violoniste. Voilà, on anime pas mal de fêtes ou de soirées avec l'association Vivre et Créer à la Montagne. Je vous souhaite bonne chance à tous et puis à bientôt. Et à tout de suite. Merci. On en va santé. Et puis Christophe est dehors, mais on le verrait tout à l'heure. Salut Michel. Voilà, Christophe, salut Michel. Il est dehors, il est allé fumer. Bon. Donc, Jean-Claude est à côté, il n'aime pas les visios. Bon, mais vous l'entendrez d'accord. Quand même au violon. Mais Jean-Claude, qui est violoniste, toujours de. Bah bonjour Jean-Claude. Il t'entend plus ou moins, il est à côté. Salut à ceux qu'on ne voit pas. Voilà. Oui. Et puis, donc, on va demander à Serge, maintenant, qui est à l'origine de. Puisqu'on n'a toujours pas Kiki, Kiko, et toujours pas Issat qui n'est pas arrivé. Donc, on va demander à Serge. De s'exprimer, de nous dire, d'abord de se présenter lui et le projet dans lequel nous situons cette rencontre amicale. Oui, donc je connais beaucoup d'entre vous. Moi, je m'appelle Serge Pascal, donc je suis actuellement depuis 2004 dans les Vosges. À la base, je suis savoyard et je suis venu travailler il y a quelques années en Alsace. Et suite à un problème personnel, je suis venu habiter ici à Saint-Maurice. Et là, j'ai eu le bonheur de rencontrer un tas de personnes. Donc les premiers pas, c'est grâce à Vincent. Comme j'étais artiste fin de déclarer pendant 10 ans, quand je suis arrivé là, il en a entendu parler, il est venu m'a sollicité et l'aventure humaine a commencé à ce moment-là. Il a aussi, une fois, il a eu la bonne idée de m'inscrire dans un stage de théâtre alors que je... Enfin, pour la petite histoire, parce que c'est intéressant de relater des fois certains oui. Une fois, il m'avait amené dans pour une pièce, mais moi j'étais là pour lui prêter mes toiles, puisqu'il avait écrit trois pièces pour les quais d'allumés, et j'avais trouvé bizarre puisque les trois pièces correspondaient à trois toiles que j'avais pas. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je te les passe. Donc, on est parti voir les quédales. Et là, il s'est trouvé que plus personne ne voulait jouer ces pièces. Et du coup, de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvé à jouer. Alors que moi, je ne voulais pas faire de théâtre. Hein, c'est absolument pas. Pas de mémoire. Je n'avais pas envie de me retrouver comme ça devant du monde. Et puis, donc, voilà, ça a démarré comme ça. Puis, de fil en aiguille, ils m'ont inscrit dans un stage. Donc, je ne savais même pas que j'étais inscrit. Je suis arrivé par hasard à rue. Et voilà, et là le petit grain de bonheur a commencé à s'immiscer dans ma vie grâce à tous ces événements et grâce à ces vallées qui sont riches. Et puis grâce aussi au Parc des Ballons et au Théâtre du Peuple, mais ancienne génération, ancienne version, qui a fait émerger des dizaines et des dizaines d'artistes amateurs de tout poil. Et quand je dis artiste amateur, j'assume les mots. Puisque aujourd'hui, donc j'ai un petit texte par rapport à tout à l'heure hein, de Lavilliers qui fait référence à des choses que je milite aujourd'hui. Et quand je dis artiste, c'est que aujourd'hui on a trop tendance à mettre artiste et le lier avec les professionnels. Et donc il y a un tas de germes, il y a un tas, j'aime bien germination, germinal aussi, tu vois. Et donc il y a un tas de gens qui pour moi sont des artistes. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux pas dire beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et ça va très très vite en ce moment. Alors je fais une petite parenthèse, aujourd'hui tous les puissants attendent la quatrième révolution mais ne savent pas ce qu'elle sera. Donc j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, moi je l'ai découvert, et ils ne savent pas quelle forme elle aura. Et quand il y a ce genre de choses, je pense qu'il faut prendre les devants. Et si j'avais, si j'étais chef d'une armée nouvelle, je prendrais la nouvelle Bastille. Et cette nouvelle Bastille, pour moi, c'est le ministère de la Culture, qui, justement, aujourd'hui, en France, est à sous-malron. Et donc, parce qu'il y a un tas de pans de l'art et de la culture qui ne sont pas représentés. Et donc, tout le monde en pâtit. Et donc, aujourd'hui, je rebondis là pour tout citoyen. Et je suis issu de l'école d'éducation populaire. Voilà, donc aujourd'hui, il faut qu'on se ressaisisse tous ensemble, qu'on reforme un genre de grosse armée de l'ombre, qui seront des anonymes. Et donc, pourquoi je dis tout cela? Parce que aujourd'hui, les structures qui sont en place sclérosent et empêchent qu'on fasse ce qu'on doit faire. Je m'exprime. Ça fait 20 ans que tout a été fait pour arriver à isoler de tout repère les citoyens. Donc ils sont arrivés à cela. Et le côté positif du Covid, c'est qu'il a eu cet effet de rassembler les gens, comme on le fait. Donc là, on a une chance de pouvoir entamer cette révolution, c'est-à-dire de se rassembler sous quelques valeurs partagées, communes et solides. Voilà. Et donc je pense que cette quatrième révolution se fera par là. Puisque on ne peut pas combattre, ils sont trop puissants. Par contre, la seule chose qui peut nous unir, c'est l'art, et c'est l'art que je présente, et c'est l'art que j'ai découvert, et c'est l'art vers laquelle j'ai évolué aussi. Hein. Donc c'est quoi cet art que je propose? Eh bien, c'est justement, c'est un art sans étiquette. C'est pour ça que le projet, on a longuement discuté avec Vincent, qui ne comprenait pas au début pourquoi je ne voulais pas de particules. Et puis après, à la fin, il a compris mon point de vue. Aujourd'hui, faire partie d'une troupe ou d'un truc comme ça, bah, en fait, on s'est rendu compte avec quelques-uns, que ça empêche que les énergies se rassemblent. Alors j'ai dit exceptionnellement, sous ce projet, ce sera des personnes qui vont venir, et des personnes qui sont des artistes, ou des sympathisants, ou des gens qui partagent, ou les pensées, qui vont se retrouver dans un même lieu pour partager le même moment. Et donc c'était ça, c'était le réveil artistique. Et donc après, là, au bout d'une heure, il a très bien compris le propos, et je pense qu'aujourd'hui, il partage 100% de cette action. Donc chaque entité qui a quelque chose d'artistique ou de culturel à donner, parce que c'est aussi, il y a des mots clés, il y a donner, partager. Et donc ça, eh bien, se retrouveront autour de moi, autour de Vincent, ou autour de quiconque, peu importe, aura l'idée de poursuivre ce mouvement qui sera sans étiquette, sans structure, qui est simplement un genre de petit virus artistique qui se baladera partout et qui formera, avec les bactéries, peut-être une grosse cellule. Voilà un petit peu l'idée. Donc voilà, il y a tout un tas d'événements, hein, parce que Et donc, cette chose-là a eu lieu, parce que l'objectif, c'était de rassembler. Donc, il y a un tas de gens qui ont dit oui, même de jouer dehors, ils ont dit oui. Alors, on a été coupé du bois dans la neige, ils ont dit oui. Tout le monde a dit oui. Donc, ça, c'est une force que l'on ne soupçonne pas. Et ça, ceux qui ont le monopole, ceux qui sont puissants, ils ne veulent surtout pas qu'on se réunisse. Et se réunir sous ce genre de valeur, personne ne peut nous empêcher de le faire. Et ça, on deviendra des gens dangereux pour ceux qui ont le pouvoir. Et si on veut agir sur quel que soit le sujet, qui n'est pas, de marchand, si on veut agir pour la planète, pour l'écologie, pour tout un tas de trucs, c'est par l'art, c'est parce qu'on va se rassembler sur des mêmes valeurs. Voilà un petit peu l'idée, et je suis très content qu'il y ait eu cet écho, et qu'il y ait de la relève, puisque la personne qui a décidé de créer quelque chose aujourd'hui, ben je la remercie. Parce que c'est exactement le but qu'on est plusieurs à chercher d'atteindre. Je dirais Torenzo, Vincent bien sûr, qui est avec Torenzo, qui sont les deux protagonistes du mix art, de l'intertroupe. Et donc aujourd'hui, voilà, les intertroupes ne fonctionnent pas parce que chacun est sclérosé dans sa troupe et ne veut pas en sortir. Donc c'était un risque que j'ai pris en disant, je n'ai pas de particules. Vous venez tel que vous êtes, vous présentez ce que vous voulez et on va fonctionner comme ça. Et après, on essaiera d'organiser un peu tout ça. Donc voilà un peu la force nouvelle que je veux lever, qui est en train de se lever, parce que je vois pas, ça fait 30 ans, j'ai soutenu Solidarno, j'ai été faire des manifs en Allemagne, j'ai été à la Puerta del Sol, j'ai été mon père était secrétaire d'un syndicat, je viens de la métallurgie, donc des combats, moi j'en ai mené beaucoup. Ok, et là, je sais qu'on les perd, parce qu'avec la force, on n'a pas les moyens. Voilà, j'en ai fini, mais c'était un peu long, mais j'avais envie de vous dire tout ça, pour que vous compreniez bien la situation. Voilà. Bien, tu as mis le feu au cœur et dans le cœur du projet. Et donc, on va passer à des flammes musicales et poétiques. Alors, aujourd'hui, je rappelle, nous sommes là grâce à Marie-Pascale qui a créé la séance en visio, et grâce à Sylvie qui nous accueille ici, qu'on va entendre chanter tout à l'heure, mais elle me dit qu'elle préfère donner la parole, ou plutôt la guitare, ouais, pour l'instant, à Michel. Donc on va, Michel et Jean-Claude, que vous avez vu tout à l'heure. Bonsoir. Juste Vincent, voilà. Je voulais juste intervenir en disant que je voulais remercier Sylvie, parce qu'elle a été dans les premières à exprimer une grosse motivation et à adhérer immédiatement au projet, et ça, on en avait besoin. C'est sûr. Donc c'est important. Oui, c'est très important. Je voudrais dire, il ne faut jamais se sentir seul. Et tu vois ce qui s'est passé ici, au Sélénite, dans la plaine des Vosges, à partir de rien du tout. C'est exactement dans la lignée de ce que tu dis, interconnexion des arts. De toute façon, l'art, c'est subversif. Et plus que jamais, les artistes aujourd'hui sont abîmés. Et plus que jamais, c'est bien par nous que ça peut avancer. Et je rejoins complètement quand tu parles un petit peu cette sacralisation de l'artiste qui va te demander un cachet avant même de savoir de quoi il s'agit. Non, on n'est pas là-dedans, on est juste dans le plaisir de se retrouver ensemble et de partager. Là, vraiment, c'est complètement sélénite. Tu viendras bientôt. Hein, c'est sans problème. Donc tu es invité. On va créer ces réseaux, et parce qu'il y a un problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer, on ne sait pas. Alors, la chance que j'ai, c'est de pouvoir glisser des chroniques littéraires et artistiques dans l'Écho des Vosges, qui sont relayées. Alors, juste pendant, parce que moi j'ai beaucoup d'idées, mais après c'est chat. Ce que je vous propose, gardez ça en tête, c'est qu'on prenne l'habitude, après le Covid ou pendant, de se retrouver régulièrement dans un lieu, même extérieur, parce que les moyens vidéo, tout ça, c'est pas facile. On se retrouve, le CD88, peu importe, toutes les structures, on se retrouve à un endroit, et on discute et on échange, pour qu'on se connaisse. Et après, on fait les réseaux sociaux avec l'Internet. Mais d'abord physiquement, qu'on dise, ça existe, ah, toi t'es ça. Parce que là, on est encore individuel, on a encore l'impact et l'empreinte d'être chacun dans son coin, et on a du mal à communiquer, à se rassembler. Donc il faut qu'on se fasse un rassemblement physique de tous ceux qui sont un peu moteurs, et puis on va prendre cette habitude, et puis ça va grossir. Voilà, c'est une idée que j'avais à vous proposer. Hein. La garder sous le coude, hein, vous me la repasserez. Hein. Voilà. Michel est parfait. Michel et Jean-Claude, à vous. À vous. On va commencer par un morceau celtique qui s'appelle Jean-Claude Yaman Schnoik. Yaman Schnoik. Pauvre Martin. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un bouchon, avec à la lèvre un bouchon, avec à la main grand courant, je vis sans arrêt, cri des bouchons. Pauvre Martin, pauvre Michel, que de la terre plein de temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retrouvait le chant des autres, toujours méchant, toujours méchant. Pour Martin, pour Militaire, cause la terre, cause le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, dans tous les jours, par tous les temps. Pour un matin, pour un misère, que de la terre, que de la terre. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, et creusa lui-même sa tombe en se sentant, en se cachant. Pour un matin, pour un misère, de la terre, que de la terre. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étant, il sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pour un pauvre misère, sous la terre. Voilà, bravo. Alors, on avait dit qu'on alternait avec des textes, donc on va faire une séquence de textes. S'il y a des textes, je pense qu'il y en a. Il y en a écrit plein. L'autre jour, dans l'atelier que Marie-Pascale a animé, brillamment, et qui nous a fait vider la tête. Et s'il y a des textes. Je sais que. On est en direct, messieurs. Parce qu'il y en a qui parlent, ils croient qu'ils sont au bistrot. Mais non, on est en direct. Donc s'il y a des textes, ils sont les bienvenus. Bah, tiens, Christophe, puisque tu veux parler, arrive devant le micro, ou même de loin, mais tu as une grosse voix. Allez. Donc, oui, c'est un vrai plaisir de vous avoir à la maison. Hein, Bon, allez, vas-y, installe-toi un peu. Comment on n'a pas trop envahissant, justement. Ah non, écoute, même au niveau des odeurs, c'est cool, hein. Alors là... Eh bien, il y a des gens qui n'étaient pas là lors de la réalisation du projet à 2h de l'après-midi, et j'ai eu l'occasion de prendre des notes sur ce qu'ils s'étaient dit. Et voilà ce que ça donne. Attention, bronquignolant, s'abstenir. On nous dit à ma gauche... Ah, le miel. Et pour moi, le miel, c'est les idées. Alors, je me dis butiner. Elle me dit organiser. Alors, quelqu'un me dit formidable. Et vous savez pas quoi? Le formidable, là, c'est Serge qui nous rejoint. À 2h de l'après-midi, les gens nous disent déjà « Serge nous rejoint ». Et oui, Serge est là, et c'est le feu à faire. C'est marqué « feu à faire hein. », il y a quelqu'un qui l'a dit. Hein. Après, il a dit « mouvement de jeu, thérapie ». J'en ai conclu que c'était thérapie. Alors là, ils nous ont dit « feu cra ». Alors j'ai dit « waouh, feu cra ». Et là, ça s'est passé, là, c'était tout à l'heure. Et il disait « monter ou pas ?» Mais le son, hein. Monter, ce que, voilà, hein, ça peut arriver, mais monter ou pas, le son, avec une vocabule, mais oui, vocabule, je glisse à la radio motion, ça c'était le texte que j'avais conclu, et j'ai juste une bonne vanne à vous raconter, c'est ça chauffe dans les plumes, ça fond dans les poches. Et une pomme en bagnole, une autre qui fait du pouce. Voilà, je vous remercie. Yeah. Voilà. Une pomme en bagnole. D'autres textes, si vous voulez. D'autres textes sont-ils prêts? Par exemple, Françoise. Après, je me casse. Avant de commencer, est-ce que Jean-Claude a prévu de nous faire un petit peu de Béla Bartok, comme on en avait parlé? Non. Non, il a dit non. Je peux. Si, il peut. Il a dit oui. Il est à côté, ça s'en fout. Allez, un peu de texte, puis après on repassera à la musique aussi, bien sûr. Alternance, constamment. Oui. Alors, je sais pas. Les musiciens peuvent aussi improviser. Oui. Une note de musique, hein, pendant qu'on lit. Aussi, mais bien sûr. Ben, ils peuvent improviser, vous pouvez improviser, vous avez compris? Vas-y, Marie-Pascale, lance. Il passe à la surface sans canaille, à des milliards de miroirs. Plus près du micro, Marie-Pascale, si peut-être, plus près du feu. Tendre nuée du nouveau jour qui nous attend. Superbe, sa pendre sentinelle perce le jour d'après. Les étoiles que tu avais ce soir-là, quand on s'est rencontrés. Se munir d'amour, se munir de lumière, munitions, ange, son, l'inexcessif rira bien, qui ne rira pas. Ça, c'est rangé. L'ordre serait une raison de bien regarder si t'aimes, comme on le souhaite, ne pas subvertir les possibles raisons de se faire coopérer les mots pour leur insignifiance mortelle. Oser produire au-delà des principes mêmes de la création, peut-on guider vers, gouverner, subvertir les apprentissages, détourner une liberté de concevoir c'est élémentaire. Comment soutenir ce qui fait lumière sans passer de Lucie à Lucifer et transmuter ses raisons d'écrire? Tchap, tchap, tchap. S'il y a des chanteuses ou des chanteurs ou des artistes. Bah, ils vont revenir. On va leur enlever. C'est leur club, hein. Oui. Non, il y en a qui sont là. Accompagnés en même temps. Hein. Là, Marie, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était des textes qui ont été faits pendant l'atelier du 13, dimanche dernier, animé par donc de très bons textes comme ça, de divers auteurs d'ailleurs, de toi aussi, Marie-Pascale. Et bah, on va revenir à de la poésie un peu après. Et Sylvie, on va lui demander une chanson. Sylvie, notre hôtesse. Donc voilà. Oh, je peux rester là. Je pense que ça s'entendra. Si aussi, elle ne sait pas, elle est assez loin sur son divan. Si jamais, je vous la montre. Peut-être que tu pourrais tourner pour qu'on la voie. Mais oui, j'essaye, mais je ne vais pas tout le temps tourner là. Ah, si, voilà. Voilà, vous la voyez peut-être. Elle est sur son divan et elle va. Sylvie, nom d'artiste Brigitte. Voilà. Regarde, toi que tu as vu dans le ciel. Oh, mon bébé d'or, la vie de la mer aventura. Bravo, hein. Bah, tu peux en faire une autre encore dans la foulée. Oui. De toi, si tu veux plus. C'est vrai, je veux bien écrire pour toi, ouais, si tu veux. Ah, oui. Putain, je vais écrire pour toi tout de suite. Ah, alors, oui, oui. Oui, le son, hein. Le son est vraiment pas terrible, est-ce qu'on peut faire des tests avant? Ben là, des tests, ben, il faut se mettre devant, hein. Il faut qu'elle soit plus près devant, voilà. c'est tout. Je vais venir là pour... Oui, oui, tiens. Est-ce que tu peux régler un peu le son de ton... Oh. Ça, c'est trop fort, Vincent. Ouais. Essaie de le baisser un petit peu. Alors, ça, je ne sais pas le faire. Mais bon, peut-être que ça sera. Oui. Allez, allez. Ah, il y a quelque chose qui a changé depuis tout à l'heure, c'est ça qui est étonnant. Ah. Non, parce que vous nous en... Ça, c'est une chanson de Yves Jamais, en fait. Ah, oui. Je ne vais pas vous faire toutes mes chansons, quand même, aujourd'hui. Bah si, ça serait bien, je ne les connaissais pas, ces chansons. Ah. Allez. Pour la vie entière, Madelo, et pour des millénaires, elle prendra le chemin, le dos comme une voûte, et rejoindra la route, pour la fleurir un brin. Elle n'écoutera pas la ville qui s'éloigne, se réveiller tranquille, comme bâille un dimanche. N'entendra pas non plus se tirer la campagne, ni le chant des oiseaux qui bourgeonnent aux branches. Demandez l'eau, et pour la vie entière, demandez l'eau, et pour des millénaires, elle prendra le chemin, le dos comme une voûte. Et rejoindra la route où la fleur y d'un brin. Elle ne sentira pas le souffle d'air fébrile lui effleurer la joue, ni le soleil naissant ne sera pas sensible à la douceur d'avril, effleurant les pétales qui s'offrent au printemps. Et pour la vie entière, main des lobes, et pour des millénaires, prendra le chemin, le dos comme une voûte, et rejoindra la route pour la fleurir un brin. Rien ne se reflètera dans ses yeux ternes que le sel de ses larmes. De chagrin, elle n'a plus d'horizon, ne reste que les cernes où perle pour toujours la rosée du matin. Elle arrivera s'égorger de sanglots, et ses mots cogneront membre du silence. Elle posera les fleurs au pied de ce poteau, comme font ceux qui ont mal pour conjurer l'absence. Main des lots, et pour la vie entière, main des lots, et pour des millénaires, on prendra le chemin, le dos comme une voûte. Et rejoindra la route pour la fleurir un brin. Bravo Sylvie, bravo, bravo. Donc, bravo. Donc, ah ben, tu pourras nous le lire tout à l'heure, puisque tu, Christophe écrit en continu là. Et on a d'autres, alors on a d'autres textes maintenant, séquence de textes. Alors qui veut s'y mettre parmi, alors on en a, vous êtes plusieurs là, Françoise, Félicie, Segundino, Catherine, et puis Marie-Pascale encore. Voilà. Donc une salve de textes, allez-y pour le feu de la joie et de l'espoir. Qui veut? Au choix. Et puis, on a bien sûr... attends, ici, on a Christophe qui a des tonnes, pas des tonnes, il a des textes. Vincent, moi j'ai un rêve. Félicie. Je me présente dans les yeux des amoureux, par le blanc, la pureté, l'argent ou le métal, la voix de Kate Bush dans Wuthering Heights, la légèreté de la neige, les paillettes, des étoiles. Je me traduis des fois dans les nuits glauques des clubs de nuit en boîte. Je suis l'inverse de la pluie, de la morosité, du gris, des jours sans. Je suis vive et tranquille à la fois. J'apparais quelquefois parce qu'une sous l'aspect d'une bougie, ou parfois je suis dans une baignade dans un lac. Je suis miroir. Je suis même peut-être à l'origine du monde, plus que l'eau et le soleil. Je me trouve dans les yeux des mamies pour leurs petites filles ou des grands-parents. Je baille au pôle Nord et dans le sourire de mon papa qui me rappelle à l'ordre, dans l'électricité, et ce n'est pas Versailles ici. Je me trouve dans les personnages et dans l'éclat et me révèle dans le soleil sur l'eau. Je suis là. Ah, là, la Lucie. On l'a fait à Lyon le 13 décembre. Bah là, oui. La fête des... Eh ben. Des... Ils le savent. C'est qui a trouvé. La fête des. Oui. Quoi? La fête des Lumières. La fête à Lyon le 13 décembre. Il a dit. Des Lumières. Des Lumières. Fête... Je suis représentée par le prénom de Lucie. Oui. Lumière. Voilà. Ça y est, c'est dit. Voilà. Oui, il y a aussi la fête de la lumière en Inde. Et ça s'appelle Deepavali. Et ça donne lieu à vraiment de magnifiques processions. Et on avait beaucoup ça à l'île de la Réunion, puisque c'est multiculturel et que. Ah oui, ici, une communauté indienne. Deepavali, fête de la lumière, pour se trouver à Lyon. Ouais. Désolée, j'ai mal lu, j'arrivais pas à me... C'est bien, c'est pas grave. C'est bien perçu. Non, pas... Un autre texte. Vous savez l'origine des fêtes de lumière à Lyon? Oui. Non, je sais plus, j'ai su, mais... Quand vous allez aux fêtes de la lumière à Lyon, à un moment donné, il y avait un spectacle qui s'appelait l'embrasement de la cathédrale. Ah oui, et donc là, je crois qu'ils fêtent, c'est la Vierge Noire ou une Vierge quelconque qui a arrêté l'incendie qui était en train de ravager. Et je crois qu'il a dû s'arrêter à la cathédrale ou à l'église. Ouais. Donc c'est une histoire comme ça. Ah oui, il y a eu un incendie alors. Oui, un autre. Ouais. Et je crois qu'il a dû s'arrêter à la cathédrale, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Qui veut lire un autre texte, Catherine, peut-être? T'entends pas. Ah, micro, micro, Catherine. Voilà, ça y est, voilà, j'avais mon micro qui était... Bah, si vous voulez, bah, c'est un petit peu différent. Bon, alors, je lis. Que la lumière soit et la lumière fut. Cette parole tirée de la Genèse 1:3 fut la première dans le récit de la création du monde. La lumière fut est aussi le titre de l'ouvrage rédigé par Jacques Husserl, une autobiographie exceptionnelle, exemple d'amour de la vie, de courage et de liberté face à l'adversité. La lumière est par principe ce qui guide, ce qui permet d'avancer, ce qui donne la faculté de voir où l'on met les pieds. Pour cette fin 2020, l'ombre a fait place à la lumière. Elle fait partie du quotidien. Quelques flammes ici et là attendent de réchauffer nos cœurs assombris. Le réalisme devant la situation prend des allures de résignation. D'ici et d'ailleurs surgissent des scénarios. Certains y voient des catastrophes, d'autres gardent la foi en la lumière de l'âme. La foi en l'âme humaine, qui après avoir subi des traumatismes violents dus à ces confinements, se reconstruira sur la base d'un humanisme salvateur, avec le retour aux valeurs essentielles. La lumière est là, à qui veut bien la voir. au jour la journée, vivre en aimant ce qui est, sans vouloir ce qui n'est pas. En cette fin d'année, rassemblons nos cœurs pour réchauffer nos âmes au doux ronronnement de notre flamme intérieure, qui, elle, est toujours présente. Mes meilleurs vœux pour la naissance de 2021, d'un monde de respect, de bienveillance envers soi et les autres, d'un monde d'amour pour le bien de l'humanité. Voilà. Bravo. Amen. Oui. Ah, ressemble à une prière, c'est bon. Ben, oui, je trouve que il faut prier pour que la lumière revienne vraiment. Je reprendrai ce qu'a dit Serge, c'est-à-dire qu'on rallume et qu'on se donne la main pour justement faire une lumière collective. Et je pense que ça, je ne dirais pas amen, parce que je suis athée, mais je pense que la lumière a toujours été ce qui a fondé l'humanité et que malgré l'époque sombre qu'on passe, il faut vraiment garder la foi en cette lumière qu'on a en nous. Et ça, c'est important. Tu es athée, mais c'est ton texte, tu parles de la lumière de l'âme. Et je crois que l'âme, ça demande quand même une foi. Voilà, enfin, je me permets. Hein. Une foi inébranlable, voilà. Peut-être que les expériences de la vie nous amènent à avoir la foi à un moment donné inébranlable. Moi, je crois comme Catherine qu'on a une lumière en nous, qu'on soit de foi, de pas foi. On a tous une lumière en nous, c'est notre esprit. Le cerveau, c'est un tas de cellules avec un couple, des corps, des machins. Mais l'esprit, lui, il est complètement immatériel, c'est une lumière. Et il faut être connecté à la lumière pour qu'on vit le jour. C'est parce que le jour, enfin, je sais pas, je n'ai pas fait le monde, mais moi je pense qu'on vit le jour pour capter cette lumière et on l'a en nous et il faut qu'on irradie une lumière le plus possible. En tout cas, on est vraiment dans le temps. Je vais vous présenter un petit texte pour compléter ce que tu viens de dire, Catherine. C'est très très court et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je le place maintenant. Enfin, j'ai écrit ça une fois dans le train, comme ça, je peux entendre des placements. C'est très très court. Ça s'appelle Juste l'autre. Ne plus rien dire, c'est parfois plus fort. Ne plus rien dire, juste te lire. Juste regarder, te regarder. Juste écouter. Écouter, regarder. Trouver la force de te regarder sans rien te demander. Ne plus avoir envie de demander, mais juste. Merci d'être là. Avec moi, avec nous. Pour toi, pour nous, pour eux et pour tous les autres. J'ai envie de te le dire. Mais je ne te le dirai pas, car je sais que tu l'entends déjà. Bravo. Bien. Alors le feu, au centre de cette période, le feu qui était cramé, qui brûlait le... Ah, je te laisse la parole. Attends, j'avais commencé ça, non, je continue. Le feu qui brûlait le mal et le feu qui va régénérer le nouveau soleil. Noël, c'est le sens de bientôt Noël. Et on reverra tout ça, bien sûr. Et Sigodino, je t'ai coupé, excuse-moi. Ou tu m'as coupé, d'ailleurs. Et moi, je t'ai recoupé. C'est la personne heureuse. Étincelant de bonheur, je lève ma tête vers le ciel pour voir passer les étoiles. Étincelant de bonheur, je me passe le cœur pour que je sois pris. Étincelant de bonheur, je me sens une larme que les rayons du soleil du matin ont provoqué. Étincelant de bonheur, je vais me coucher sur la voie lactée. Bien, voilà du rêve. Eh bien, je poursuis pour appuyer tout cela par des flammes d'ondes et de notes. Je propose, en retour des musiciens, Michel et Jean-Claude, en alternance, donc. Attends, je vais faire un... Ah, Jean-Claude lui-même va faire... On va nous faire du violon pur, le violon. Un clin d'œil à Serge. Un clin d'œil à Serge, voilà. Un petit Bartok, très simple. Très simple. On peut couper nos micros pour faciliter la... Simple, naïf et enfantin. Ah, j'ai un peu dans le visio. C'est mondial. Thank you. forcément, c'est ma faute. Et voilà. Et maintenant, Michel, si tu veux venir. Avec Jean-Claude, toujours. Voilà. Une petite paire de chansons. Voilà. De chaussons, pas de chansons. De chansons, pas de chaussons. Voilà. Prends le place. Qu'est-ce que je vais faire alors? Ce que tu veux. Ce que je veux. Michel, c'est un jukebox vivant, hein. Il connaît des centaines de chansons par cœur. Alors, on a fait un bassin, c'est ce qu'on peut faire. Bah, ce que tu veux. Ce que tu veux. Ouais. Des avantages, hein. Ouais, pourquoi pas. Oui, parce que... 5 ans. Alors je place le sens de la période. 5 ans d'hiver, c'est le 21, c'est justement le solstice pour lequel on est rassemblé. Donc 5 ans, va pour 5 ans d'été, mais qui est le correspond à 5 ans d'hiver. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais il m'a fallu un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras au-dessus, car l'on croit toujours au doux d'amour quand ils sont mis avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il m'entendait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car on croit toujours au doux mon amour. Ils sont dit avec les yeux, moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais brisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean, comme ailleurs, un serment n'est qu'un heureux. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont mis avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, une autre tant que tu es installé. Une autre tant que tu es installé. Oui. On va faire, je sais pas moi, un jardin. Oui, avec Moustaki, c'est bien. Alors, Moustaki, oui. Vincent. Oui. Hein? Vincent. Oui. Oui, est-ce que Jean-Claude est là? Il est là, oui. Non, non, mais devant les... Est-ce que ça te dirait de tout à l'heure, sur un texte de La rue qui est à nous, de pouvoir faire des petites intros sur le texte avec le violon? Des intros, non. Mais bon, des petites citations, oui. Voir avec les... On aurait pu le préparer, mais tu verras, c'est assez rigolo. À des moments, faire un petit insert violon. Ce qui te passe par la tête quand tu entends les mots, voilà. Juste une petite animation derrière. Bon, ça peut être sympa. Oui, oui. Bon. Avec Michel, s'il veut aussi, avec Sylvie, c'est sur les mots, c'est le chanter. Enfin, faire un genre de petit Bronx derrière, parce que c'était une scène d'une pièce que j'ai écrite, et en fait, c'est un peu des clowns, des saltimbanques, donc voilà un peu l'ambiance. Donc sur les mots, si ça vous vient un truc de violon, guitare, un petit chant, un petit truc, quoi, avoir un petit genre de bœuf, un bœuf texte, guitare, violon et chant, si ça vous dit, comme ça on fait un peu le bazar, quoi. On verra, oui. Il verra, oui, il arrivera. C'est ça que j'attends, moi. Maintenant, une chanson de Georges Moustaki, il y avait un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis, ni l'enfer. Ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la. Salve de texte à nouveau, on n'a pas entendu Françoise. Ou bien, voilà. Françoise, tu nous entends? Françoise. Ben oui, je sais pas. C'est bon, ça y est, tu es connecté. Comment? Ouais, j'ai rien à dire parce que j'ai trouvé mes textes en même temps. J'avais supprimé ce texte et j'ai. En question. Et je t'avais dit, je ne suis pas capable de le dire. Alors, c'est Marie Pascal qui va le dire, ton texte. Ah, d'accord. Elle l'avait, si elle est d'accord. Elle l'a. Oui, okay. C'est un conte. C'est un conte et j'ai peur d'éclater en sanglots. Et c'est pour ça que je peux pas le lire. D'accord. Tu vais faire. Oui, tu vas pas pleurer. Enfin, si tu pleures, c'est pas grave. Je vais lui dire, je veux. Mais là, je vais demander encore. Oui. Ça y est. C'est que dans ce genre de regroupement, si on, c'est important de pouvoir rire, pleurer, chanter. Bien sûr. C'est important de le dire. Tu as raison, il faut le dire. C'est pas grave, au contraire. Ben voilà. Rire et pleurer, c'est pareil. Donc c'est exprimer, tu vois, si tu le dis pas, mais si tu l'exprimes d'une autre manière, c'est pour nous, c'est très bien. C'est, on le prend, on est tous des artistes, alors, te gêne pas, et il n'y a personne qui juge ici, tu vois, on est tous pareils, ne t'inquiète pas. pièce d'or a senti qu'il n'était plus une pièce d'or. Sans le vouloir, elle s'était transformée en étoile. Et à partir de ce moment-là, elle se reflétait chaque nuit dans la source du Danube et se réjouissait de pouvoir admirer d'en haut son propre lieu de naissance. D'un certain temps, notre étoile s'était liée d'amitié avec beaucoup d'autres étoiles dans le ciel. Elle brillait, scintillait et se livrait même à des concours d'étincellement. Et notre étoile aimait bien aussi faire de petites expéditions dans les environs. Pasbeurheim était une de ses directions préférées. Comme elle avait un cœur pour les animaux, elle aimait bien aller voir d'en haut ce qui se passait dans la clinique. C'est ainsi qu'il a pu être témoin d'un triste événement. Le 29 octobre 2020, le chien Magic, qui avait 13 ans, a été endormi pour toujours. Notre étoile a été infiniment désolée de ne lui avoir fallu longtemps à réfléchir pour savoir quelle décision elle allait prendre. Spontanément, elle a organisé un rendez-vous avec toutes ses amies pendant la nuit de la Toussaint à la source du Danube. Toutes les étoiles sont venues au rendez-vous et ont pris place autour de la source. Un violoniste qui n'a pas voulu rater l'occasion. Un violoniste qui n'a pas voulu rater l'occasion de pouvoir jouer sans masque. Il s'est aussi précipité à cette rencontre. Et quand les premiers sons de la mélodie du beau Danube bleu de Johann Strauss ont commencé à retentir, toutes les étoiles ont aussi commencé à danser autour de la source. Et même les vieilles pièces de modèle, à moitié rouillées, ont entamé quelques pas de danse au fond du bassin. C'était tellement magique, enivrant et grisant que le chien Magic encore remuer la queue au même rythme que les étoiles et pour la dernière fois. Magic a encore pu être témoin de cette digne danse funèbre. Et peut-être bien que maintenant, une nouvelle étoile magique vit dans la nuit. François Chenus, 20 décembre 2020. Voilà. Merci beaucoup. Ma réponse est tu as réussi à le lire beaucoup mieux que moi. Il n'y a pas de mieux et de moins bien. Oh, si. Non, ça nous embarrasse beaucoup, le mieux, le moins bien, la comparaison. Merci François, ça me rappelle. Merci beaucoup pour ton texte. Ça me rappelle un chien que j'ai adoré. Il m'emmenait dans le bois, il me ramenait. Et un jour, il s'est fait piquer parce qu'il a bouffé un troupeau de moutons avec un autre chien. Et on ne les oublie pas, ils sont toujours là. C'est un maître de chien, comme on dit, mais ils sont toujours dans... Je ne veux pas faire pleurer, Françoise, mais moi, je l'ai connu un peu, Magic, tu sais. Mais moi, j'ai eu toujours le chien là dans mon cœur. Et voilà, après, on y pense, ça fait du bien. C'est gentil. Et ça m'a fait du bien d'écrire ça. Oui, ouais, c'est beau. On peut très bien l'écrire. Salut, Magic. On l'a connu, effectivement, dans des ateliers d'écriture où tu l'as emmené. Une fois même, il s'était échappé au Kyo, il avait fallu le retrouver. Voilà, sacré Magic qui nous regarde. Alors là, bon, j'apprends par Sylvie, mais vient de me dire, peut-être que c'est elle qui m'a appelé aussi, qu'Aïssaté va nous rejoindre dans quelques instants. Alors bien sûr, on ne va pas prolonger la séance indéfiniment, mais il y a encore plein de choses à dire, de chansons, de textes. On va laisser un moment le temps d'Aïssaté d'arriver, de nous rejoindre. Et on a des textes, bien sûr. Vous avez des textes, vous avez des chansons. Alors, je ne sais pas, il serait... Vincent, oui. Mais si on se faisait une toute petite pause, le temps de se faire chauffer un thé. Ah ben, oui, mais on n'est pas... Oui, nous, on en a du thé. On est ensemble, effectivement. On a même des... On a des canons à boire, tout. On peut peut-être faire une petite coupure de 5 petites minutes. Ça laisse arriver à Aïssaté. Et puis ça laisse le temps à chacun de se faire un petit coup de cigarette. Ah ben, si... De faire chauffer. Étant donné qu'on est dans des espaces-temps différents, c'est possible aussi. Ou même chacun peut... Une toute petite pause de 5 minutes. oui, c'est possible. Hein. On laisse la vidéo tourner quand même. Voilà, simplement, je suspends l'enregistrement. 5 minutes, alors, je suspends l'enregistrement de la... Combien de temps ça peut durer, tout, l'émission Disons que l'émission... L'émission, elle est dans les temps, puisque on a commencé il y a seulement 1h20, et à 15h30, et qu'il est bientôt 16h49. Donc, l'émission elle-même, moi j'ai 3h le vendredi, je ne les remplis pas des fois, comme hier soir. Hier soir est passée l'émission sur l'atelier d'écriture Sainte-Lucie, Sainte-Lumière, dont des textes ont émergé et sont lus là aujourd'hui, et c'était la continuité. Bon, ça faisait 2h30. Mais... Pas trop long ? Bon, c'est peut-être... Moi j'ai trouvé ça intéressant, mais bon, je ne sais pas, je me... Pour ce qui est aujourd'hui, c'est plus facile à écouter que l'atelier d'écriture. C'est plus facile à écouter qu'un atelier d'écriture, peut-être, pour les gens qui n'y étaient pas. Moi, je trouvais ça très intéressant, parce que, je te l'ai dit d'ailleurs, hors micro, si je peux dire, j'ai bien aimé retrouver tout ton déroulement d'écriture. Alors évidemment, c'est toute ton incitation à l'écriture, en nous lâchant les rênes et en nous guidant, sans nous scolariser, voilà, comme ça arrive parfois. Bon, bref, c'était vraiment excellent. Moi, j'ai bien aimé, mais parce que j'y étais peut-être. Les auditeurs, je ne sais pas, c'est des expériences. Et il était difficile pour moi de couper en dessous de deux heures. Attention, 2h30 avec des séquences musicales de Christophe Toussaint, qui aurait dû nous rejoindre aujourd'hui. Mais bon... Donc, tu donneras tout mon grand bonjour alors à Christophe. Oui, alors disons. J'espère que tu l'amèneras au Sélénite. Bien sûr. Alors là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus écoutable pour un texte sans son. C'est vraiment agréable. Alors, je pense que on est en alternant justement des textes et des chansons. Et effectivement, on peut encore. Moi, j'ai donné une base. Il est 16h50, j'ai donné à la base un enregistrement de 17h30 pour pas. D'abord parce qu'il faut rentrer avant le couvre-feu, pour certains, et puis parce qu'on ne peut pas trop aller à l'infini, il faut qu'on condense un peu notre dernière séquence. C'est bon d'avoir une fin. Hein, oui, sachant qu'on fera sûrement quelque chose avec Aïssaté qui va nous rejoindre. Bon, donc si Serge veut qu'on stoppe 10 minutes, je veux bien, 5 minutes. Mais bon, c'est une possibilité. Hein. D'ailleurs, il est parti, je crois. Il est allé se le faire. Bon, mais à moins qu'il y ait d'autres interventions immédiates, parce qu'on va arrêter quand même dans 40 minutes, mais à peu près. Je ne sais pas. Si vous voulez une pause, je veux bien. Qui veut lever le doigt, ceux qui veulent des pauses. Ou sinon, on continue comme ça avec des textes et des chansons qui sont... C'est quand vous voulez, hein. C'est vrai que c'est dommage qu'il manque une ou deux personnes, mais bon. Bon, ben, je suspends en 5 minutes. Voilà. À tout à l'heure. Bien, on recommence, donc on se retrouve. On s'était un peu perdu là. Et il y avait Secondino qui voulait lire un texte. Voilà. Et les gens étaient partis. Comme j'ai lu en chantant. Oui, vas-y. Je relis alors. Oui, on t'a pas entendu, on était déconnectés. Et l'émission en cours ne t'avait pas capté. Voilà. Vas-y. Ok. Quel est mon amour, l'être s'est caché, ne va pas se cacher, mais ce réellement le trahissait, partout qui se cachait. Il avait peur, alors il cacha ce réellement dans son cœur. Sitôt fait, le soleil disparut, le monde fut plongé dans les ténèbres. Comment faire alors pour faire revenir la clarté du jour et ainsi que celle des étoiles de la pleine lune de la nuit? Je lui dis justement, pour le rassurer, ouvre ton cœur, n'aie pas peur. Aussitôt dit, le jour envahit la moitié de la terre. L'autre fut illuminé par les étoiles de la pleine lune. Un cœur brisé plonge le monde dans les ténèbres. Un cœur heureux qui fait les plaies des yeux, de la douce lumière du jour exprimée par le sourire. Bien. Tiens, j'ai pas lu encore, moi, de texte. J'en avais plusieurs sur le Padlet, de toute façon, vous pouvez le retrouver. Hein. Vous pouvez retrouver aussi un texte de Catherine qu'il a mis sur le Padlet récemment, dans la dernière édition du Padlet, qui continue, de toute façon, on va continuer. On l'éditera d'ailleurs sur le blog de l'Union des écrivains vosgiens, puisque, enfin, je l'ai déjà édité, mais c'était pas. Il faut zoomer beaucoup pour voir. Tiens, par exemple, voici, pendant l'atelier d'écriture de Marie-Pascale, un petit texte, tiens, qui fera plaisir à Serge, parce que c'était sa devise, qu'il avait lancé, Carpe Diem. Alors, autour de ça, j'ai écrit « Se munir d'amour, se munir de lumière, munitions, anges, sont, in excelsis, rira, bien que ne pas, le dernier, dans la flamme journée et le coin de l'azur qui aspire aux étoiles, déchirer l'infini, déchire l'infini, de sa clameur avide, mais calme !» Carpe, le diem, le poisson volant qui roche les rivages, des infinis ouverts, joie. Christophe, si tu veux, tu as plein de textes, ouais, tu n'en manques pas. Je vais bien m'amuser. Ouais. Allez, un texte de Christophe. Après, on repassera à la musique. On appelle le musicien. Hello. Sylvie, le temps. Entre voyage et voyance, il y a voyange. Secours pour la guérison des anges. Accord, vie, amour, lumière, comprendre, voyance, guérison, l'escient au service du ressortissant. Efficace abonde le secret, la compréhension se fait. Le partage et l'effluve du filtre PHYLTRE, se fera, l'amour vaincra, la vie resplendira. Et si le goût d'une fraise est une fraise, comme disait Alain, le goût de la vie c'est le bonheur. Et là, après, il y a deux, trois trucs sympas, c'est astéroïdé, viens diluvien, du tunnet buleuse, bière de sabbat, la galaxie, coupe du bois comme une flèche de rabat, soleil épisode. Ça chauffe dans les plumes, ça fond dans les poches. Une pomme en bagnole, une autre qui fait du pouce. Alter, Rego, à Macao, Pierre à Rome, Heo. Voyage à Rome, moins cloche. Si Jérusalem était plus grand, on pourrait tous s'y retrouver. Plus de sport, la statue de la liberté, la tête en bas, que voir. Si les portes étaient plus grandes, il y aurait moins d'accidents d'adultère. Si les poubelles à papier avaient un couvercle, on pourrait envoyer plus de boulettes. Et là, j'ai un petit truc. J'ai un petit truc. Alors, si tu vas... en fait, c'est dédié au voyage. Hein. Vous êtes prêts? Si tu vas à Nancy, Stanislas. Si tu vas à Belfort, Pierre le Lion. Si tu vas à Lyon, Champignon. Si tu vas à Marseille, la Canebière, Bière. Si tu vas à Lille, Frites et Fusion. Mais à Paris, Lumière et Mouche et Son. On en fait une scène. Sauf qu'il n'y a pas de moule comme à Calais. Si tu vas à New York, au nom des libertés, prends ton vélo Bartholdi. Et si tu vas à Katmandou, prends ta patate avant le K2. Si tu vas à Moscou, remplis la place rouge. Si tu vas à Gorée, vide ton sac. Si tu vas à Melbourne, mets le feu avec un didgeridoo. Et si tu vas à Pékin, prends ta 4L jaune. Sinon à Lima, plutôt le Machu Picchu, c'est ton frère, pas de galère. Mais alors si tu vas au Tio, le cuivre c'est ton héros. Et à Busson, c'est ton argent. Dont les dieux de l'effort, il y a bien des fusions, buvaient la boisson des druides, de la cerboise à la bière, au champagne, on bulle. Bien, bien. Tu as fait le jour au didgeridoo, et il nous manque. Hein? À toi, oui, Marie-Pascale. Oui, il y a du cuivre au tuyau. Ah oui, oui, une mine de cuivre. Oui, oui. Tout à fait. Et il a fait allusion au Dutti Gérisou qui nous fait penser à son fils qui n'est pas là, mais qui est le grand virtuose du j'arrive plus à le dire. Ouais. Du Didaki, c'est en langue aborigène du nord de Terre d'Ardenne, là où ça vient là-haut. Alors. Du Didaki. Alors on va demander à Sylvie de nous... Et on va chanter ensemble. Oui, de nous faire une chanson encore. On va se refaire un truc ensemble. Allez, Sylvie. Les, tout le monde, les trois. Allez. Allez les trois. Les trois. Allez les trois. Vous entendez là? Ça va, oui. Du son? Ça va, vous entendez bien? Dites-le si vous entendez pas bien. Ou mettez la conversation, on sait pas. Vous entendez? Ça va. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Les seigneurs et les princesses ont le plus beau cœur. Mais vivre sans compresse, on ne pourrait pas. Thank you. donc toujours réunis autour du feu qui, de cras tout à l'heure, est devenu joie maintenant. Et voici que nous rejoignent eh bien Aïssaté, qui va venir dans quelques instants, et Frédéric. Frédéric qui est artiste sculpteur sur bronze notamment, et il en parlera peut-être un petit peu dans quelques instants. Et en attendant, je suggère, puisque Serge avait un texte dans, sur lequel il suggérait des impro musicales éventuellement, je suggère que Serge, tu t'y mettes, voilà, si tu veux. En attendant, la suite. Ouais. C'est bon, Serge ? Tu es là ? Le son. Serge, le son. Son. Ainsi font son. Son. iPhone, il est fermé. Voilà. Serge est muet, c'est pas grave. Voilà, il va parler. Ouais. On t'entend pas. Parle le plus fort de Saint-Maurice sur Moselle. Hein. Il y a un problème, Serge. Tu ne t'entends plus. Voilà. Pourquoi ne t'entends ton? Ton quoi? Ton tel, ton. Bon. Ça y est. Il est là. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Hello. C'est bon. Alors, voilà. Hello. Oui. Alors, petite connexion. Alors, on disait, je ne sais pas si tu entendais, que tu as proposé un texte tout à l'heure. Et iPhone de Serge, c'est marqué. Donc, avec peut-être des impros ou de petites. Attends. Là, est-ce que tu m'entends? Oui, je le fais. Voilà. Okay. Si tu es prêt. C'est une petite scène que j'avais écrite pour une première pièce. Et donc, c'est un texte de La rue qui est à nous. Hein, c'est un groupe. Et cette petite scénette s'appelle Les saltimbanques de rue. Et donc, j'ai réutilisé ce texte pour cette scénette. Donc là, eh bien, l'idée, c'est que les musiciens s'inspirent des saltimbanques et improvisent un petit peu sur ces mots, comme ils le sentent. Et Sylvie, car ils vous bricolent dessus, il n'y a pas de souci. Parce qu'on n'entend pas trop. Voilà, c'est parti. Voilà. Approchez-vous, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Ah bah. Quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques, musique, pour vous présentationner des mots. Un mot pour tous pour un mot. Un mot pour tous pour un mot. Approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieurs, des mots pour nous pour les carteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous pour un mot. Un mot pour tous pour un mot. Des mots rues pour des poissonniers, des mots jetés pour les bandits à un mot, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de basse pour les méfiants, et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour les enfants, des mots tabous pour le taboulé. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection, un mot pour tous pour un mot. Un mot pour tous pour un mot. Des mots croisés pour des retraités, et des petits mots pour les béguins, des mots d'ordre pour les ordonnés, des mots fléchés pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides, et des mots de la fin pour la chanson. À vous. Alors, voilà. Il a fait l'impro après. Mais... Non, mais c'est très bien. Il n'y a pas d'ordre. C'est comme on le sent. Voilà. T'as autre chose? C'est bon pour l'instant. Ah bon? Alors on va demander aux deux nouveaux venus qu'on attendait depuis le début de l'après-midi, Frédéric, sculpteur sur bronze, qui va déjà nous parler deux minutes. Viens Frédéric. Frédéric Durand, que les autres artistes connaissent. On a notamment François Svelnius, qui est sculpteur, sculptrice aussi. Attends, je vous... Voilà. Voilà. Fred, voilà, Françoise, et qui est sculpteur, sculptrice sur pierre et sur bois. Sur bois. Sur bois, oui, pardon. Et Fred, qui est sculpteur, vous êtes déjà peut-être vu au ballon d'ailleurs, Fred. Vas-y, Fred, parle un peu de ce que tu fais. Ouais, ah bon? Oui. Mais c'était prévu. Mais si t'es un artiste, t'es obligé, c'est tous les artistes. Les plasticiens, on a vu un peu les peintures de Segundino, pas trop, il en montrera peut-être à nouveau. Et Serge n'a pas montré non plus ses peintures d'ailleurs, mais c'est autre chose. Et enfin, on reverra peut-être une autre fois. Et toi, Fred, vas-y, parle-nous de ce que tu fais, de ton art. Des sculptures qui traitent du domaine du sujet de la vie. Donc, faire des monuments aux vivants. Ah oui. Parce qu'il y en a un peu marre, des monuments aux morts. Quoi. Donc, pour rééquilibrer, et puis je sais pas. Ah ben je le connais, moi. Tu connais, quoi. Ben oui, mais eux, ils connaissent pas trop. Il est à Ferdru, dans les Hautes-Vosges. Tu fais des totems, hein? Non, c'est parce qu'un totem, c'est censé être un poteau, quoi. Ouais. Non, c'est ça tourne beaucoup autour de l'ADN. Il y en a une que je voudrais bien réaliser en gros. C'est la roue de la vie. C'est un peu dur à expliquer, quoi. Il faudrait mieux la montrer, quoi. Mais là, je l'ai pas sous la main. C'est très important ce que tu dis là, parce que le temps de Noël se dit Yule en scandinave, et Yule veut dire la roue. La roue du temps. Voilà. Et donc là, c'est un brin d'ADN que j'ai refermé sur lui-même, parce qu'au bout de 10 bases, il a fait une révolution complète. Et au sommet, il y a des personnages. C'est la même personne, mais avec ses trois âges, quand elle est enfant, adulte, et puis vieille. Et donc après, elle meurt dans la roue, et pour symboliser le fait que l'ADN file au gré des générations. C'est intéressant, c'est tout le symbolisme du temps de Noël, où d'ailleurs, j'ajoute un petit truc, mais je ne vais pas être très long. Pendant le temps de Noël, les 12 jours de Noël, les mouvements rotatifs sont interdits. Était interdit dans autrefois. C'est pour ça, par exemple, on faisait les queniers, qui étaient des gâteaux de vin, des brioches de Noël, et on ne tournait pas la pâte. Il était interdit de tourner, parce que c'était un moment suspendu, justement, où la roue du temps était suspendue pendant 12 jours, de Noël au roi. À quel endroit ça, Vincent ? Eh bien, c'est... Alors, je vais pas... Hein, c'est... J'en ai parlé sur RGM il n'y a pas longtemps, et vous pourrez écouter d'ailleurs l'émission le midi de Noël, je ne sais pas si c'est le 24 ou le 25, par contre c'est d'autres le 25, et on a toute une explication sur Noël. Bon, simplement, disons que autrefois dans les traditions, un peu partout, on avait les trois Noëls, Noël, Nouvel An et les rois. C'était les trois Noëls marqués d'ailleurs par des feux, toujours le symbole du feu, le feu de Noël qui est plus souvent... Il y a des feux extérieurs, comme nous on voulait faire d'ailleurs, mais c'est surtout la bûche de Noël, la galoche de Noé, comme on dit dans les Vosges. Et il y avait les feux, dans la Franche-Comté, les feux des rois. Alors, les trois Noëls, en fait. Et l'idée de la roue qui s'arrête et qui ne reprendra qu'après le 6, c'est aussi tout ce symbolisme, y compris les galettes des rois qui sont circulaires, y compris avant la couronne, la roue de Sainte-Catherine, y compris des tas de symboles circulaires qui apparaissent à ce moment-là. Et c'est important ce que dit Frédéric, ce qui prouve que l'artiste, spontanément, par son intuition profonde, retrouve, je dirais, les rythmes éternels les plus profonds. Voilà, ça c'est Frédéric. Merci Frédéric. Eh bien, on va demander à Issaté de s'approcher de la sainte, de s'approcher du feu. Et voilà. Et de nous. Et de nous parler et d'elle et de CP et de son pays qui est double et de tout ce qu'elle veut pendant quelques temps. On est très heureux de la voir. Merci Aïssaté. Aïssaté Ba. Peut-être que vous ne me voyez pas parce que je suis un peu noire. Si on voit. Vous me voyez? Là vous me voyez? Oui. Ok. Ça va? Bonjour Aïssé. Hello. Ça va? Alors, comme disait Vincent, ben moi, mon pays, moi, c'est la terre, mon pays. Déjà. Et ensuite, j'aime souvent dire que je suis la Peule des Vosges du Sud, des Hauts-de-Vosges du Sud. Pourquoi ? Parce que ben, je suis née ici. Je suis née à Remiremont, même. 88. Et en fait, je fais partie des saltimbanques qui pense qu'il est urgent de lever une armée d'humour et d'amour. Et donc me voici avec la guitare et puis tout le monde ici pour filer un petit peu de la vibe, hein, du positif, parce que c'est important et c'est comme ça qu'on résiste, voilà. Alors j'ai envie là tout de suite d'interpréter une chanson qui s'appelle Jam Tan. Et la traduction c'est la paix, seulement la paix. Jam c'est la paix, Tan c'est seulement la paix, voilà. Donc ben, je la fais, hein, c'est une nouvelle chanson. Jam tan buni ta jam tan jambala tu tu tu te di tu tu tu dai de di tu tu tu te di tu tu tu dai de di. Jam tan lo jam tan patam jumbo jam tan lo jam tan patam jumbo tu tu tu te di tu tu tu dai de di. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam. Jam tan do, jam tan do tan jumbo, jam tan do. Il y en a peut-être d'autres. Oui, il y en a d'autres. Hein. Vous en voulez une autre? Bien sûr. Oh. Alors, la tête des sages. Tiens. Ouais, problème pour entendre. On a des problèmes pour entendre. C'est vrai. Des problèmes de réseau. Ah. Ouais. Mais, et les autres ont-ils des problèmes? Est-ce que les autres... Essayez peut-être de baisser vos micros si vous avez des haut-parleurs. Ouais. Je sais pas. Oui, les autres... Mais pas nous, on est obligés d'avoir les micros ouverts, hein. C'est le cas de le dire. Pour moi, c'est bon, le son. Oui. Parce que tout le monde entend. Serge, tu es bon là? Ah non, attends. Ça va là? Oui. Ma foi, ça dépend des. Pour l'enregistrement radio, ça va aussi. Parce qu'ici, on est direct, mais. On l'entend une fois sur deux. Ah, et ben, ça, c'est peut-être votre ordi, hein. Apparemment, ça marche ailleurs. Je vais vous chanter Waymenio. Waymenio, c'est pauvre de nous, quoi. C'est une plainte. En fait, et celle-là, elle s'adresse particulièrement à ceux qui ont la peau sombre comme moi. Parce que voilà, c'est. En 2020, on peut se faire tuer encore à cause de sa couleur de peau. Et tout un tas de trucs comme ça. Et donc, comme on est pour la paix, ben, on rappelle que voilà, quoi, on est des êtres humains à part entière. Et donc, ça, c'était un coup, voilà, j'en pouvais plus et j'ai fait cette chanson-là. Juste un petit souci. Ah. Il y a vraiment un souci de son. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a un souci de son assez. On entend vraiment grésiller. Nous, on a des coupures de son. À mon grand regret, je peux pas t'écouter avec plaisir à Isette parce que la chanson elle est toute coupée de partout. Ça me dégoûte. Oui, c'est moi aussi, ça faisait de la peine parce que. Bah oui, j'essayais d'imaginer la chanson en fermant les yeux parce que le son était tellement déformé que c'est gênant vraiment. je les reconnais. Ça fait un moment que ça fait plus de... Je sais pas. Ah bon? Bah vous la retrouverez. Quand la première que t'as chanté, je la connaissais. Donc je savais, mais la deuxième, purée, je suis dégoûtée. Je regrette, on n'entend rien. Tu réécouteras sur Radio Guémozo dans 15 jours. Là, ça sera bon. Ouais, ouais. Ah ben là, le temps a l'air d'être meilleur. Au revoir, Aïssa, si on t'entend. On va te demander quelque chose, Aïssa. On a vraiment cassé, ouais. Mais est-ce que tu ne peux pas nous la refaire? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je peux vous la refaire si vous voulez. Ça fera une autre version. Oh. Avec plaisir, le son est là. Ça va comme ça. Est-ce que le son est bon? Oui. Oui. Juste mets voir un petit peu de musique pour voir si ça passe. Est-ce que tu m'entends? C'est mieux là. Est-ce que ça va mieux là? Avec des artistes, et puis oui. On est en Zoom aussi, évidemment, ouais. Et puis, 30, hein. C'est le 30 la prochaine, hein. Ouais, le 30, tu pourrais venir le 30 Le 30. Oui, c'est un moyen de transport. Oui. Ou en visio. De toute façon, ça risque d'être en visio, vu le couvre-feu. On ne peut plus trop se retrouver là. Donc, en visio. Bah, en fait, si tu viens, il faut dormir sur place, quoi. Voilà, c'est le truc. Oui. Ce qui est possible. C'est où, t'habites? J'habite entre Mirecourt et Dompère. Tu vois, dans la plaine. Ton père, oui. Ah, tu as connu. Tu es des Vosges, hein. En plus, c'est l'accent de la plaine. Oui, c'est il ça. Il traîne encore plus dans la plaine. C'est mon père, c'est la plaine, c'est mon père. Ah, ben oui, avec plaisir. Enfin, les liens, d'abord sur Facebook, c'est facile, puis même, c'est facile à se retrouver. Bon, ben voilà. Il est 17h50. Ça nous amène à tirer jusqu'à 18. Et puis on se dit ça, voilà. Donc, en quelques salves encore de feu. Tout à l'heure, à Essaté, on a fait le feu cras, qui était la coutume, comme on avait fait au ballon d'ailleurs, où on jette dans le feu ce qu'on rejette. Là, on l'a fait tout à l'heure, mais avec le feu symbolique de Marie-Pascale qu'on voit. Voilà, là-bas, j'ai cours là-bas. Oui, alors il faut qu'on termine en beauté. Donc on a encore des musiciens, des musiciennes. On a Sylvie qui est notre hôtesse. Et puis encore à Essaté sûrement. Et puis peut-être Michel, qu'on finisse en feu d'artifice musical, hein, en flamme de poésie et de musique. Sylvie? Tu es presque prête, et après on se reprendra. Moi je suis prête, je vais faire un cadeau à Issa, donc finalement je vais lui faire des parties, alors je vais acheter une autre, puis après je la ferai par spectral art. Vincent? Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Avant le feu d'artifice musical, oui. J'aurais bien aimé qu'on finisse, parce que j'ai entendu. J'ai noté des petits mots hein, tout au long, et là j'ai entendu Aïssaté qui parlait de lever une armée, donc on est connectés. Est-ce qu'avant on se fait pas le préface de l'habillé tous les deux? Ah, dans la musique. Mais moi je n'ai pas le texte, donc tu seras tout seul. Ah mince. Mais oui, parce que je n'ai pas sur moi le texte. Ah oui, c'est dommage. Tu peux le récupérer sur internet? Ben oui, mais alors. Je vais te retrouver dans. Attends, le temps qu'on s'organise. En fait, c'est à l'école de la poésie, on se bat. C'est Léo Ferré aussi. C'est préface de Lavilliers. Préface de Lavilliers, on est en train de chercher. Oui, c'est vrai que pour nos auditeurs et nos présenteurs, pour nos présents, on avait envisagé, toi et moi, là-haut, à Rochelotte, de le lire, toi et moi, c'est vrai, là-haut. C'est vrai que ça serait bien. On avait prévu tous les deux, mais on n'avait pas. On s'était. Oui, tu avais marqué l'alternance. Ben, je l'ai pas là, l'alternance entre ta voix et la mienne. Le mieux, ce serait de la faire comme ça. Je peux te l'envoyer. Je te l'envoie tout de suite. Ça y est, on va le trouver. On trouve tout sur. Oui. Ah, l'alternance, ah. Oh, on va la faire comme ça, un vers chacun. Ça y est. Non, c'est bon. Si c'est bon, une phrase chacun, puis ça y est. Il y a des petits morceaux, ouais, d'accord. Ouais, ben on verra bien, voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Vas-y, Serge, vas-y, si t'es prêt. Tu l'as? Ouais, je l'ai, je prendrai une phrase sur deux, voilà. On est parti. La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés. Elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qu'il ne veut pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie à n'employer que certains mots. Déterminé et à priver de certains autres me fait penser au prestige du rince-doigt et du pèse-main. Ce n'est pas le rince doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte des pieds ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit appartenir à une caste, à un parti ou au tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle peut être entendue comme une musique. Toute poésie destinée à en être lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps. De notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. La société littéraire, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Beaux-Arts est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait une tumeur qui poussa d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd, il fallut quêter. Pour enterrer Bella Bartok. Rutebeuf avait faim, Villon volé pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme du savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste plus qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir ? Avec nos avions qui dament le pur au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Nous sommes au bord du vide. Ficelés dans nos paquets de viande à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale. C'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie et de la musique, on n'apprend pas. On se bat. Voilà. Merci. Révolutionnaire. Voilà. Et maintenant, encore des chanteuses pour finir. Chanteurs, voilà, Sylvie qui va arriver. Puis Aïssat qui. Voilà. Ou peut-être Michel en attendant. Non, je ne sais pas. Non, c'était. Il fallait finir effectivement sur ce texte fort, mais on va finir par des flammes de flammes de musique. Mais voilà, donc ça. Moi, j'avais une surprise en fait, parce que. Oui, vas-y. Qu'un soir, on s'est retrouvés avec Aïssat, parce qu'on devait chanter ensemble. Ah oui. Et on avait. J'avais des chansons, je faisais marcher, et on a parlé du mot Aïo. Aïe, c'est j'imagine un truc, alors j'ai écrit une chanson en fait. Ah, combien? La route noire, cadeau de Noël. Hein. Voilà. Pendant que elle s'étreigne. Ah oui. Ça veut dire Aïo. Ah oui, bien, bien sûr. Aïo. Aïo. Aïo. Alors, attention aux gestes barrières en direct. Voilà. Aux gestes prières. Ce ne sont plus les gestes barrières, mais les gestes prières. Covid soit qui mal y pense. Voilà. Eh bien, donc, là, avant de. Je vais demander à Issa de conclure la soirée, mais avant, je voudrais demander de conclure aussi à Marie-Pascale, qui, grâce à qui on est là, et de dire quelques mots, voire de la poésie, et quelques dates prochaines, Marie-Pascale. Hein? Ben c'est avec plaisir, hein. Je ne suis pas du tout technicienne, hein, mais j'ai ouais, excellent. On a fait ce qu'on a pu, on a bricolé, c'était bien. On a juste prochaine date, pour moi, c'est les Sélénites, hein, c'est le 30, prochaine pleine lune. Ce sera la dernière lune de l'année. Et bon, c'est marrant parce que c'est un petit peu dans ce qui se fait, là, il y a des gens qui veulent reproduire un petit peu cette idée-là, et je trouve ça vraiment super. On a une amie... Franche-Comté qui veut faire la même chose, voilà, donc de se retrouver, donc à tout bientôt. Voilà, plein de foyers. On avait proposé de terminer avec le feutra des bonnes choses. Ah ben oui, en fait... C'est... Que les musiciens trouvent un rythme, oui, ben... refait le tambour. Ben, là, un rythme africain, oui. En hommage à notre ami Aïssé, là. Aïssaté. Oui, ben je sais pas, c'est comme vous voulez, hein. Est-ce que vous entendez quelque chose? Oui, on entend. Donc tu voudrais aller faire des percussions avec Aïssat. D'ailleurs, Aïssat a souvent des percussions avec elle. Mais pas aujourd'hui, là, que la guitare, mais elle a beaucoup de percussions. Hein. Aïssat, est-ce que tu veux t'approcher du feu? Voilà. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a dit un bœuf final. Non, pas un bœuf. Il y a l'âne et le bœuf de la crèche, mais bon. Et aussi le. Il y a l'âne, oui, mais l'âne. Il y a un dromadaire, oui. Oui, ah ben il vient avec les rois mages. Hein. Et donc, moi, que dire moi, je vais simplement dire que dans deux jours, c'est vraiment le retour de la lumière, hein, le 21. Et donc, vraiment, les jours vont recommencer, voilà. Et puis après le Noël, c'est le nouveau soleil. Et Nathalie, c'est le soleil qui renaît. Et bon, cette émission, cet enregistrement, passera dans 15 jours. Ça sera juste le soir du Nouvel An, le premier de l'an. Je pense que je le ferai quand même ce soir-là. Voilà. Et sinon, ben, je vais laisser la parole, la musique à la musique. L'art, ben, on y va. Et ça t'est. Alors, est-ce que tu veux accompagner Ah oui, c'est. On avait dit le feutra des vœux positifs. Bah oui, c'est le feutra du négatif, on l'a expulsé. Le positif, bah, tout ce qui a été pendant 2h30 dit et chanté, c'était déjà ça, non? Mais on peut, mais je veux bien que tu lances quelque chose, Marie-Pascale, dans ton idée, hein, de AG Cours sur Madon, hein, Marie-Pascale? Oui. Et tu... Ah oui. Alors que tu, c'est toi qui veux conclure, donc dis-moi comment tu veux conclure. Non. Si? Non, j'ai juste des percussions et j'accompagne. Ben Aïssat, peut-être sur quelque chose qui s'y prêterait. Tu entends? Oui, ça va. Oui. Oh. une belle devise du feu cra positif. Voilà, une belle devise pour la prochaine année. Hein. Voilà. Bon, ben, écoutez, les meilleures choses en commencement, et peut-être une provisoire conclusion, on, vu le couvre-feu, hein, voilà. Peut-être que chacun peut dire un petit mot juste de revoir à chacun. Voilà. Si Marie-Pascal, qui est en. Qui, je regarde sur mon écran. Hein. Ouais, je sens quand même une petite frustration, j'aimerais quand même bien être avec vous là. Ah, ça, avec les instruments en direct, ouais. Ah, ça c'est bien. Bah écoute, à toi de créer un foyer à la Sélénite, de, ouais, comme souvent, possible. Comme tu sais le créer à Gécourt. Voilà. Ouais. Voilà. C'était un plaisir. Voilà. Merci à vous. Voilà. À Françoise. Ah ben, voilà, merci, hein. C'est dit avec le cœur. Et ça, en voilà du feu cra positif. Voilà. Félicie ? Oui, ben, je suis contente, c'était un bon moment que j'ai passé, du plaisir avec vous tous, qui êtes mes proches, même si vous êtes. Enfin, vous faites partie de mes proches, je vous aime beaucoup parce que je commence à vous connaître tous un peu plus, de plus en plus. Et voilà, bah, c'était un super moment. Je remercie Aïssat parce que j'avais pas vu depuis un moment, et Françoise et tout le monde. Voilà, et j'espère à bientôt. Et je vous embrasse tous très fort, joyeuses fêtes. Et j'étais contente que j'ai pu t'écouter dans la chanson là à la fin. Voilà. Très bien. Et bis à tous. Et puis changez vos jours. Je serai pas là trop vite, mais après. D'accord. Voilà. C'est bon, c'est bon, Dino. Bon, grâce à vous, je n'ai pas vu le temps passer. Ouais, ah ben ça. J'ai mis mes lunettes sur une patate. Ouais, d'accord. C'est bien. Serge ? Serge ? Oui, ben, vous m'entendez ? Oui. Oui, oui. Alors, moi, j'ai relevé des petits mots tout au long de la journée. Et puis, pour terminer, j'aimerais faire une phrase avec certains petits mots que j'ai notés. Alors, que le soleil du matin voit se lever l'armée d'art, d'amour et de partage. Alors, il faut qu'il aille là-dessus, ouais. La page, c'est bon. Oui, ben tu. Voilà. Ah, tu. La page Aïssat, la page sur, oui. Sur ma toile. Oui. Hein? D'accord, sur la page Aïssat. À mettre sur la page Aïssat, oui. De Facebook. Merci. Sinon, allez, sur le Padlet. Allez. Voilà. Voilà, oui, il faut. Elle a une page Aïssat. Dis-le, Aïssat, une page. Oui, si vous pouviez aller sur Facebook, cliquer sur ma page iPad, ça pourrait m'aider parce que je cherche vraiment à avoir plein d'abonnés pour qu'on puisse lever cette armée du mot, madame. Il y a un clip qui va sortir bientôt. Il y a un clip. Oui, c'est vrai. Le même titre qui va sortir aussi bientôt. Ouais. Tout ça pour. Voilà. Et comme je suis auto. Je fais la promotion toute seule et tout, et ben c'est tous ensemble en fait. Si vous pouvez aller. Ouais, merci d'avoir. J'aime pas. Voilà. J'aime. Ouais. Catherine, moi, j'ai passé un très bon moment en découvrant d'autres personnes avec des points de vue que je partage, des choses que je trouve importantes. extrait qu'on n'a pas eu, ça on n'a pas entendu tout à l'heure. C'est beau, elle a vraiment joué des choses. C'était pendant la mi-temps, c'est dommage. Moi, je fais des impros. Avant, je chantais dans les bœufs et dans les jams en impro. Donc, j'arrive à suivre les voix d'un musicien sur une guitare ou les voix sur un piano et j'arrive à suivre instinctivement. C'est quelque chose que j'aime faire vraiment. Et ben voilà, ça me fait très plaisir de vous voir ce soir, tous ces musiciens magnifiques. Ben oui, je suis un peu comme Marie-Pascal. Bien dommage que vous n'êtes pas là à côté de moi. Mais on ira te voir dans tes yourtes. Écoute, il y a la yourte, puis justement, il y a deux roulottes pour coucher, et puis encore trois chambres à l'intérieur de la maison. Ah ben, voilà, on a une idée. Et maintenant on n'encombre pas avec la sono en bas au village, pour l'improthéâtre, mais dans lequel on peut aussi faire la musique avec lui, il parle, un superbe Pleyel qui est... Ah oui, d'accord. Dommage qu'on ne s'est pas enregistré tout à l'heure le piano, on était en pause. Mais il y a, justement, on a déjà les départs, on a Jean-Claude qui parle pas aux machines, donc vous le verrez pas, et on a Michel qui va vous dire un petit au revoir. Au revoir à tous, voilà, merci, il vous dit... on va passer une bonne moment ensemble. Et puis nous, on va, Michel, avant de conclure... Vincent, s'il te plaît, comme a dit Michel, comme il l'a chanté tout à l'heure, si bien la tendresse, et moi je vous souhaite plein de tendresse pour Noël, et puis on se retrouve. Bon, et eh ben, voilà, et puis donc, tous les autres vous disent au revoir, Sylvie. Au revoir, et puis merci pour ce moment sympa. Oui, merci pour ce moment. Et puis Christophe aussi. Le bonjour chez vous, à bientôt, bye. Et moi, je terminerai par un dicton provençal. Allant qui vient, c'est simple pas mal. Demain, c'est game pas mal. Allant qui vient, si on n'est pas plus, du moins qu'on soit pas moins. Arrivederci. À bientôt. Et merci. Et merci à toutes et tous. Et je redis Marie-Pascal, Sylvie, et puis tous les artistes. Voilà. Voilà. Eh bien, c'était. On ne savait pas, mais la chaleur est là. C'est revenu. Allez, au revoir. Ah oui, au revoir.